Vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Tous les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les Blancs ! Que Dieu vous tue. Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode numéro 29. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, et je pense qu'on va passer un petit moment sympa avec nos invités de la semaine. Je commence par les rappels traditionnels. Vous pouvez d'abord nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Vous ne pouvez plus nous suivre sur notre chaîne YouTube qui a été censurée pour la deuxième fois, donc malheureusement plus d'alerte par ce biais. En revanche, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, toujours, et recevoir des alertes, et surtout les alertes pour l'émission, sur la parution de notre nouvelle émission. Et suivez-nous aussi sur notre site internet, démocratieparticipative.biz, B-I-Z. J'invite d'ailleurs les volontaires qui voudraient devenir des contributeurs réguliers à se manifester à l'adresse email que j'ai communiquée. On a plusieurs candidats et même peut-être un candidat déjà accepté. Il se reconnaîtra. J'enchaîne avec la présentation de nos participants de cette semaine. Alors, l'émission sera de taille réduite. C'est une émission qui va durer, ça va être une grosse heure, quoi, on va dire, cette semaine. Alors, je commence avec Popo Poporovic. Salut Poro, comment vas-tu Poro ? Salut à tous, et bon, ça va, la pêche. J'enchaîne avec Astérix. Astérix qui nous écoute depuis la Judée-Samarie. toujours, moi, dans la terre-mère, tranquille, installé. D'ailleurs, c'est grâce à nos réseaux sionistes qu'on a pu boucler, un peu comme dans le transfert de Neymar, il a fallu l'intervention de sionistes et d'agents israéliens. Et on a réussi à conclure un fichaje, comme disent les Espagnols, là, on a fait notre mercato, c'est bon, ça recrute. Oui, on va y revenir, mais c'est un intermédiaire israélien qui a bouclé la vente. Je crois qu'il a pris 35 millions au passage. Ça, c'est le sens des affaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'était le minimum. Minimum. Il y a Fulbert aussi qui est avec nous cette semaine. Salut Fulbert. Ouais, bonsoir Gandalf, bonsoir à tous. La pêche, Fulbert, quel temps part chez toi ? Bah, pas très bon, ça s'est dégagé, mais c'est pas très beau en général ces derniers jours. Bah voilà. D'accord. Et le petit nouveau qui rejoint l'émission, est-ce qu'il va porter des fruits ? Est-ce qu'il va vénéneux ? On espère, mais on croise les doigts, quoi. Ou pas, ou est-ce qu'il va être décevant, c'est Gimli. Salut Gimli, comment vas-tu Gimli ? Salut, bonjour à tous. Alors moi je suis prêt à démarrer mon hélicoptère pour emporter des communistes faire un petit tour avec moi. Qu'ils oublient de boucler leur ceinture de sécurité. Bon, bah écoute, t'es ambitieux. J'espère que ça va se poursuivre dans la durée, tout cette belle. Et as-tu assez d'hélicoptères pour charger tous les communistes qu'il y a en France ? Parce que là, t'es quand même, c'était sur un terrain hostile si t'es à la chasse aux communistes. Je sais pas, on t'a prévenu, j'espère. T'es minoritaire. Alors, en fait. Pour le moment, j'en ai qu'un, et on va dire qu'il est en train de faire des petits allers-retours au-dessus de la Corée du Nord pour repérer un communiste en particulier qui se reconnaîtra sans doute. On va y revenir. Alors, on va commencer avec un petit débriefing. Là, on a eu des commentaires la semaine dernière. Vous savez que bon, maintenant, Bah, enfin, maintenant, non, ça fait un moment, mais je veux dire, on s'était abonné à Discus, comment dire, une application qui permet de commenter, de façon relativement agréable. Alors, malheureusement, il y a de la pub, c'est assez désagréable, ça, par contre. C'est le seul point négatif, enfin bon, il faut bien qu'ils financent leur système. Et donc, on a des commentaires de ceux qui nous écoutent, les auditeurs assidus, il y en a, hein. Et j'ai relevé notamment celui-ci. J'ai trouvé que... C'est un commentaire qui me fait plaisir et qui fera plaisir aux participants. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous le livre et on y revient. C'est signé Antonin, qui nous dit « Je télécharge toutes les semaines votre émission que j'écoute avec engouement le soir en rentrant du boulot. Il faut dire que je travaille dans une ville où la diversité a pris des proportions gargantuesques, un travail de base pénible, récompensé par les regards haineux d'une faune locale très exogène. La journée terminée, je me précipite dans ma petite Lancia, Mia, les vitres baissées, le son de l'autoradio à fond, mon esprit s'éclaircit, mon corps se revigore à l'écoute de votre humour et de votre dérision. Puis vient l'intervention de Frédéric dans l'évier, une voix tonitruante retentit sur une bonne dizaine de mètres, alors que je suis coincé dans les embouteillages. Je sais pas si tu te rends compte, mais on n'a toujours pas notre nègre personnel pour l'émission. Je regarde un peu autour de moi, les visages sont consternés. Je suppose qu'ils ne sont pas encore familiarisés au concept de la démocratie participative. Bref, je tenais à remercier toute l'équipe. Vous apportez du baume au cœur à des gens qui en ont besoin, des gens qui ont besoin de ce discours pour continuer à avancer et aller de l'avant. Bah, ça fait plaisir, Antonin, un discours comme ça, parce que c'est exactement le but. Hein ? Alors, en milieu hostile, alors il y en a qui écoutent ça avec des MP3, je reçois pas mal de messages, je dis, ouais, je suis en MP3 dans les transports en commun, j'ai une journée de merde et tout, puis tout, il y a que des boucaques autour de nous. Et puis, j'allume l'émission de démocratie participative et tout d'un coup, je commence à sourire. Et il me dit, notamment cette personne m'avait dit, une personne en particulier me revient à l'esprit, je me surprends moi-même à sourire dans un tel environnement, en fait. C'est assez cocasse. Bon, je me suis dit, bon, c'est sympa à relever, parce qu'effectivement, c'est le but de l'émission, en fait. Hein. C'est de communiquer de l'énergie participative pour qu'enfin notre démocratie se remette à vibrer, et à profiter à fond de cette diversité qui est maintenant notre richesse commune, quand même. Hein. Qui veut réagir sur ce petit commentaire sympathique d'Antonin, là? Ou en ajouter un autre, d'ailleurs, je sais pas. Ben, moi, déjà, j'ai une question. Gimli serait-il notre nègre, justement? Je crois. Alors, je ne suis pas noir, mais je peux aller me métisser, étant donné que dans ma ville, il y a de quoi se métisser. Dans okay. Toutes les villes françaises, il y a de quoi. Mais bon. Pour le bien de l'émission, je veux bien me sacrifier. Histoire d'être un peu plus démocrate, de faire un pas de plus vers la démocratie et la participation. Bah, moi, voilà, écoute, ce commentaire me donne chaud au cœur. Hein. Moi, je vais pas le cacher aux auditeurs, je suis un des plus politiquement corrects de l'émission. C'est-à-dire que, ils l'auront remarqué, je me lâche parfois un peu moins que les autres. Mais j'ai compris avec le temps, exactement comme cet auditeur, en écoutant les émissions, lorsque j'y participais pas, j'ai compris l'utilité de ce langage totalement décomplexé. Déjà, faut pas s'imaginer que c'est provocateur. On est entre nous, les gens qui n'aiment pas ne sont pas censés nous écouter. C'est un site privé, c'est pour faire plaisir aux gens qui pensent comme nous. Et faut pas s'imaginer qu'il y ait un excès de langage chez nous. Non, c'est comme ça que les gens ont tous envie de parler comme ça quand ils prennent le RER en heure de pointe, qui rentrent du boulot avec des collègues haineux qui montent leur petite mafia maghrébine ou je ne sais quoi. Et ce langage est même le minimum, c'est-à-dire qu'on est très peu ordurier, à mon avis, en comparaison de ce que pensent certaines personnes en banlieue parisienne lorsqu'ils rentrent chez eux le soir. Donc ça fait très plaisir parce que ça valide... ça valide ce pourquoi on est là et ce pourquoi on prend malgré tout quelques petits risques. Donc voilà, Antonin, moi je te remercie du fond du cœur de ton commentaire. Et puis on continuera à te faire plaisir, on essaiera. Bah oui, on en a souvent parlé, hein, l'exercice libérateur. Mais en fait, oui, les gens se disent qu'on force le ton, etc. Non, faut comprendre que quand on discute aussi entre nous, parce qu'on se connaît bien dans l'émission. On parle On parle comme ça, voire pire en fait, mais probablement pire. Donc, bon, pour ceux qui trouvent que c'est un petit peu trop, dire que la dose est un peu trop forte, non, c'est juste une, c'est comme ça qu'on parle librement en fait. On parle de la réalité, sans filtre, sans le garde-chiourme idéologique qu'on nous a tous implanté dans la tête pour nous dire voilà, il faut pas dire ça, il faut pas dire ci, etc. quoi. Donc ce commentaire m'a fait plaisir parce que je sais qu'il reflète le sentiment d'un certain nombre d'auditeurs. Je me suis dit c'était quand même bien de le citer. Donc sauf si quelqu'un a un autre commentaire à citer, je passe à la rubrique numéro 1. Écoute, je vais rajouter un tout petit truc. C'est une petite réflexion que j'ai eue en me disant que finalement on était peut-être une des seules émissions à part. Alors tu vas zapper, on va dire, les grandes gueules d'RMC, ce genre d'émission de polio, quoi. Parce que ok, ça parle au peuple, au bas peuple, mais ça le tire vers le bas. Mais je pense qu'on est une des rares émissions vraiment populaires, en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut écouter, qui s'adresse vraiment pour le coup aux prolétaires, puisque les prolétaires, les pauvres, tout le monde en a plein la bouche, tout le monde en parle, mais c'est un peu comme la femme de Colombo, il les voit jamais, quoi. Je pense que nous, on est une émission qui nous adressons réellement au peuple, contrairement aux intellectuels de salon qui enculent des milliards de mouches avec des théories chaque jour plus farfelues. Je pense que Dieu nous le rendra. Pour compléter le propos d'Astérix, j'ai envie de dire qu'on pourrait peut-être remplacer le titre « Démocratie participative » par « Boucacologie populaire ». Oui, il y a plein de formules possibles. Hein, mais fascisme participatif, c'est pas mal aussi. Ou nazisme participatif en même temps. Mais en fait, le concept de démocratie était quand même mieux. Parce qu'on est quand même dans une ère de la démocratie avancée. Et puis en plus, fondamentalement, on est tous des démocrates. Donc on s'est dit qu'on allait garder le truc. Hein. Mais bon, on reste ouvert aux suggestions. On n'est pas bloqué, hein. Ça c'est entendu. Bon, j'enchaîne avec notre rubrique éminente, connue, notoire, et coupable, plus que coupable, autisme radical, chers amis. Alors pour le coup, là, on nous a suggéré, parce que grâce à nos auditeurs, on a des suggestions, c'est ça qui est bien, c'est participatif précisément. Et alors on reçoit des coupures d'articles fabuleuses, dont celle-ci, sujet numéro 1. En Suède, des chèvres au service de l'intégration des réfugiés afghans. Je ne mens pas. Hein. Je ne mens jamais. La source, c'est Agence France Presse. Donc je ne raconte pas de bobards pour vous faire plaisir, chers auditeurs. Rien n'est monté. Je vous livre l'anecdote. En Afghanistan, Hanif Mohammadi vivait entouré d'animaux dans la ferme familiale quand les talibans sont arrivés, ont tué ses parents et l'ont forcé à fuir. Hein, ça vous met dans l'ambiance. Aujourd'hui demandeur d'asile à Stockholm, l'adolescent de 17 ans fait ce qu'il sait faire de mieux, élever des chèvres. Chaussures de sport aux pieds, jambes et pull marron clair sur les épaules, cheveux bruns attachés, le jeune homme jette un coup d'œil sur son smartphone, comme n'importe quel jeune de son âge, tout en s'occupant de son troupeau dans les prés verts de l'Indigo, une île de l'archipel de Stockholm. En Afghanistan, nous avions beaucoup de chèvres et de moutons. Alors, quand je suis arrivé à l'Indigo, j'ai voulu apporter mon aide, hein, et apprendre un peu le suédois, dit-il. Il maîtrise désormais bien sa langue d'adoption. C'est justement son professeur qui l'a mis en contact avec Henrik Ponten, le président de l'association Get Together, hein, jeu de mots autour de la traduction suédoise de chèvre et qui se dit Get. C'est poussé quand même le truc, hein. Il n'a pas encore tenté le truc zéophile, mais ça va pas tarder à se passer, je pense. Il a créé en 2016 pour permettre la conservation d'une certaine race de chèvres en voie d'extinction, dont le lait est encore utilisé pour produire du fromage dans une usine à l'Indigo, donc sur l'île en question, mais aussi pour aider les demandeurs d'asile en Suède, pays qui, en 2015, a acquis le plus grand nombre de réfugiés par habitant en Europe. Grâce à l'élevage, l'article cite donc ce fier parrain, ils peuvent s'intégrer à la société et créer de nouveaux contacts en Suède, explique-t-il. Ils sont très compétents, ajoute-t-il, et ils aident à faire en sorte que la Suède reste belle. C'est vrai qu'on avait besoin quand même de baiseurs de chèvres en Suède qui viennent d'Afghanistan, hein, de l'Hindou Kush, pour la rendre belle quand même, pour la même la garder belle. C'est vrai que ça manquait un petit peu quand même. Ouais. Alors, Astérix, toi qui connais bien la Suède, c'est pour toi cette affaire, je pense. Enfin, pour commencer, quoi. Bah écoute, moi déjà, je dirais que quand une chèvre se fait enlever, faut envoyer la brigade des mœurs avant d'envoyer les gendarmes qui s'occupent du braconnage. Parce que là, la faune qui s'occupe des chèvres, elle est pas là pour leur tirer le lait. Hein. Elle est là pour tirer tout court. Hein. Elle est là pour tirer un coup, se vider les burnes, ça va être sauvage. Hein. Les pauvres petites chèvres... Il y aura quelques pannes françaises qui les environnent peut-être, mais moi personnellement, je convoque Greenpeace hein, d'office. Puis bon, bah la Suède, là on est de toute façon, la Suède c'est une course vers l'autisme le plus radical quoi. C'est avec la France, tu sais, on est vraiment au coude à coude. Dès qu'on en remet un coup, eux, ils remettent encore un coup de pédale. Puis là, bon, bah, c'est les baiseurs de chèvres et l'élevage de chèvres de talibans, quoi. C'est le tour de France de l'autisme radical, hein, avec bon, les Suédois d'un côté, les Français de l'autre, les Allemands au milieu qui tentent aussi quand même leur jeu. Ils existent, les Allemands, dans cette course. Hein. Ouais, voilà, ils sont là, ils sont présents, ils abandonnent pas. Alors, qui est plus fort en montagne? Qui est le plus fort en sprint? Ça c'est... Ouais, faudrait déterminer ça. J'ai tendance à penser que la Suède est plus endurante. Hein, mais... Oui, la Suède, ça remonte... c'est ça, la Suède, c'est très linéaire, c'est une longue montée en puissance, il n'y a pas de baisse de régime, ils te balancent la petite dose d'autisme hebdomadaire. Ouais, ouais, même ouais. Quotidienne, quoi. En France, il y a des hauts et des bas, quoi. Il y a de temps en temps... J'ai tendance à penser que la France, c'est de la montagne. 2002, t'as des trucs comme ça. C'est de la montagne, je crois, qu'en Suède, il y a un climat qui n'est pas favorable à l'expression du plein potentiel des nègres. Bah là, on est sur du taliban. Parce que l'autre, il dit « Ma famille a été butée par du taliban ». Bon, ça, c'est le truc qu'il te raconte. Hein. Ça, c'est le roman qu'il te raconte. Lui, le taliban. Bon. Oui, voilà, ça se trouve, c'était lui le taliban. Il y a eu une représaille des gens qui étaient en face de lui. Enfin, tu peux rien comprendre dans ce trou-là, parce que c'est que des tribus. Hein. Il n'y a rien à piger. Et en plus, ça se trouve, sa famille, elle se porte très bien en Afghanistan. Personne n'en... Enfin, je veux dire... Le truc, c'est que la Suède, c'est une immigration aussi importante que la France. Enfin, en proportion, parce que c'est un pays plus petit. Donc, heureusement pour eux, ils n'ont pas 200 000 immigrés. Mais là, ils doivent pas en être très loin hein, ces dernières années. Hein. Là, ça arrive vraiment, c'est incroyable. Quand vous allez là-bas, ça change d'une année sur l'autre. Quoi. Mais il faut comprendre que c'est quasiment que des réfugiés. Donc, c'est une immigration totalement différente. C'est des vagues, en fait. Et ils ont eu, on peut le dire pour la Suède, ils ont eu des vagues parfois d'immigration de qualité. Par exemple, ils ont eu toute la vague yougoslave. Alors évidemment, les Yougoslaves, ils ont ramené de la haute criminalité, des braqueurs de banque, tout ça, mais, parce qu'ils sortaient. Mais c'était des gens qui fuyaient les sanctions américaines, tout ça. C'était pas mal de... Enfin, ou des gens tout simplement qui fuyaient la guerre. Mais la Yougoslavie, de toute façon, n'était pas un pays dégénéré. La Yougoslavie de Tito, ils étaient très évolués, ils parlaient tous 3-4 langues, ils avaient un bon niveau de mathématiques, bon niveau de... Bref, ils avaient tout. Et donc, ils ont eu des vagues comme ça de bonne immigration. Puis des fois, ils se tapent, par exemple, là-bas, ils ont énormément de Chiliens qui ont été les gars chassés par Pinochet. Des couches de rouges chiliens, quoi. Oh là là là là, et c'est vraiment pire que les rouges espagnols. Hein. C'est ouf. Ouais, c'est toute la crasse qui a survécu à ce brave général Pinochet, quoi, qui est parti pour... Enfin, en même temps, tu vois, dans ses choix, cette crasse a l'air d'avoir du flair, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont quand même flairé dans les années 80 ou 70-80 la Suède, hein. Donc... Bah, je sais pas s'ils ont si bien flairé que ça, parce que la Suède, je crois que c'est quand même en train de devenir une colonie de peuplement de la Somalie, globalement. Voilà. Ah, moi pour moi, non. Pour moi, le communisme chilien mène logiquement au jetage depuis l'hélicoptère. Non, ça mène vers la Somalie. C'est la conclusion logique. Oui. En termes d'expérience sociale, ça me paraît à peu près évident. Bon, alors bon, ça a emprunté. bon, les latitudes de l'arc polaire, hein. Bon, bah voilà, c'est comme ça, mais bon, le projet est cohérent. C'est cohérent. C'est cool. Ouais, mais c'est quand même intéressant ce que dit Gimli, parce que, effectivement, si tu veux, toutes ces vagues d'immigration qui sont arrivées en Suède, étant donné qu'il n'y avait pas cet esprit revanchard qu'ont les Algériens en France, qu'ont les machins, si tu veux, il y en avait quand même beaucoup qui essayaient de bien se comporter. Alors avec les limites raciales, quoi, les limites qu'impose la génétique, quoi. Mais qu'impose un QI de globalement, 65. Ils essayaient tous d'avoir un comportement à peu près correct parce qu'il y avait un certain équilibre entre les populations, les immigrés venant d'Asie, c'est-à-dire les Indiens, les Chinois, tout ça, les immigrés venant du Moyen-Orient avec beaucoup de Syriens, de Libanais, de tout ça, et les immigrés sud-américains avec beaucoup d'Équateur, je sais plus comment on les appelle, et de Chiliens. Et si tu veux, cet équilibre faisait que, bah, et puis des Yougoslaves aussi, de l'immigration intra-européenne. Globalement, ça se passait assez bien. Et là, il y a eu une invasion de Somaliens, d'Érythréens, de Soudanais, tout ce coin de l'Afrique. Et là, ils font flipper tous les autres parce que sur quel territoire ils s'installent? Ils s'installent dans les zones périurbaines, enfin, dans les zones banlieues, qui sont les zones occupées par ces populations-là. Donc en réalité, aujourd'hui, en Suède, un mec d'extrême droite s'acoquinera plus facilement avec un Yougoslave ou un Indien ou un Iranien qu'avec un Suédois des centres-villes, un petit blond des centres-villes. Parce que les blonds des centres-villes sont boboisés jusqu'à la mort, jusqu'à l'os, quoi. Et en revanche, ces populations de banlieusards immigrés qui se font envahir par les Somaliens, eux, l'ont très mauvaise, et en plus ils ont eu une éducation un peu traditionnelle et tout, donc ce sont des gens avec qui le contact se passe assez bien, quoi, généralement. D'accord. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus sur cette bon, bah pour le coup là, le recrutement des éleveurs de chèvres afghans souleveurs, pas éleveurs, tu oui, en Suède non. Oui, bah moi je trouve que pour une fois, niveau propagande, ils se foutent un peu moins de notre gueule, quoi, parce qu'ils nous le vendent comme un éleveur de chèvres, ce qui est quand même plus crédible qu'un agrégé de philosophie ou de mathématiques, quoi. C'est vrai. Par contre, il va quand même payer une retraite, hein, je tiens à préciser quand même. Enfin, les retraites des Suédois, je pense qu'ils sont convaincus d'ailleurs, hein, à mon avis, quoi. Il y a des très belles vidéos, hein, parce que le mythe des baiseurs de chèvres, il y en a qui vont dire c'est des conneries. Bah, je vous invite à regarder Goatfucker en anglais, Goat, hein, donc G-O-A-T, Fucker. Voilà, je ne fais pas un dessin. Vous avez des magnifiques prises de caméra depuis des hélicoptères Apache en Afghanistan de l'US Army. Vous allez voir des trucs en infrarouge, c'est magnifique. Vous allez voir du taliban. Prenez de l'eau bénite pour vos yeux, quoi. Ah, bah vous allez voir du taliban fourré de la chèvre là en pleine nuit, c'est extraordinaire, c'est exquis. Hein. Et j'avais vu dans un pays asiatique, bon, j'ai pas envie de mêler tous les asiatiques à ça, mais je suis désolé, je me rappelle plus de quel pays, mais ça devait vraiment être le pays le plus dégénéré d'Asie, quoi. Il y avait une prostituée guenon, quoi. Et là, je pense que quand l'État sera en pleine déliquescence, un petit malin de la communauté, à mon avis, pourra se mettre à maquer des chèvres. Là. Pour 5 euros la passe, je pense que alors, les Somaliens... Alors, en Afghanistan, ce qu'ils font, c'est d'abord, il faut savoir que c'est un pays c'est un pays de pédophiles et d'homosexuels. Donc ceux qui fantasment sur le guerrier afghan... combattants contre l'impérialisme yankee, etc. Bon, vous oubliez, ce sont tous des fiottes jusqu'au dernier degré. Et c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'ils baisent les gens de leur propre famille. Donc ils baisent les gamins, leurs cousins, leurs petits-cousins, etc. C'est absolument horrible. Regardez, même Rochatoudet a fait un reportage là-dessus. Ça s'appelle les Bachabazi, hein, on l'avait déjà dit. Ils ont fait un reportage il y a 2 jours là-dessus. Ça a fait 8 millions de vues, allez savoir pourquoi. Regardez-le, Bachabazi, sur Facebook ou sur YouTube, vous ne serez pas déçus du voyage. Vous allez voir des gros crados huileux de 45 ans qui se travestissent. Vous avez des vieux dégueulasses. Ils sont noirs comme des pruneaux. Ils ont les dents jaunes. Le mec, il te dit face caméra, ah là là, quand je vois un petit garçon, je suis excité et tout. C'est avec son turban et tout à la traditionnelle. Hein. C'est un truc. Je ne comprends pas pourquoi. Soviétiques ou américains n'ont pas balancé une bombe nucléaire sur ce putain de pays maudit, quoi. L'Afghanistan, c'est l'horreur. C'est parce qu'il y a pas... le jardin du Luxembourg pas loin. Ah, je confonds avec la porte de la chapelle, pardon. Mais c'est voilà. Vrai que la population est similaire. Mais on a vu des glandus qui ont importé le chapeau afghan ces derniers temps. Je sais pas si vous avez fait gaffe à ça. Il y a des glandus qui se prenaient plus ultra qui mettent l'espèce de galette là sur la tête là, galette aplatie là en deux étages là, c'est... oui. Ah oui, mais non, mais bon, c'est... Tu sais, Gandalf, je repense à ça, mais faut voir que cette histoire de Bacha Bazi là, c'est traditionnel hein, c'est un truc codifié et tout, ils sont comme ça de base. Alors, je sais pas ce que ça va donner quand la modernité va s'ajouter à ça, mais bon, ça promet. C'est ce que ça donne chez nous, ça, c'est... Bah, tu parles tradition, donc t'es... Bon, René Guénon, hein. René Guénon, l'Afghanistan, tu vois. Oui, ouais, bien sûr. Voilà. L'armée du jardin. Voilà. Bon, bah, c'était un peu comme le Calais, quoi, quand ils avaient débarrassé les lieux, avec la sous-préfète ou la préfète qui nous explique. Oui, c'est une tradition afghane, machin, c'est lui qui s'est fait livrer le camp aux flammes. C'était surréaliste. Bon, c'est une tradition afghane, ça devrait être. Enfin, je pense que ça sera de toute façon archivé par l'INA, quoi. Mais c'est un grand moment d'histoire de France, ce truc-là. Je veux dire, c'est quand les bandes de nomades afghans brûlent des camps à Calais, dans le nord de la France, sur leur passage. Là, tu dis putain, il se passe des choses quand même. Je veux dire. Et la prochaine phase, c'est les Bacha Bazi, quoi. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas notre spécialiste maison des glandes, mais qui est Alexis. Mais de toute façon, ils ont un problème glandulaire, à mon avis, qui vient de la circoncision. Alors, il y a évidemment Domer qui a parlé de la circoncision le huitième jour, ça ne concerne pas les musulmans. Mais je pense que de toute façon, la circoncision, que ce soit psychologiquement ou sur le plan endocrinien, de toute façon la circoncision c'est une catastrophe, quoi, parce qu'ils ont vraiment le diable dans la peau, comme dirait l'autre, quoi. J'aurais cru que le fait en fait de baiser ta cousine germaine sur 15 siècles, faire des enfants avec, ça pouvait avoir des effets plus graves en fait que la circoncision, mais c'est juste un point de vue personnel. Ah, moi je pensais que c'était le progrès. Ouais, oui. Ah, et moi je pense que la circoncision. Bon, je vais pas. Parce qu'on parlait pas de la circoncision au départ, donc je veux pas faire des vieux débats, mais je veux quand même sensibiliser les gens sur le problème de la circoncision, parce que j'ai par exemple appris que beaucoup d'Américains étaient circoncisés. C'est vrai que souvent les gens, même les Européens, se disent ah putain, ils sont tarés ces Américains. Et je me demande si on faisait une étude, si les Américains qui sont justement un peu tarés, là, c'est les hystériques, ceux qui bouffent des hamburgers jusqu'à devenir complètement obèses, tous ces tarés qui ont l'air d'avoir... entre le marteau et l'enclume. Je me demande si ce ne sont pas des déréglés, déréglés par la circoncision. Enfin bref. T'es pris entre le marteau et l'enclume de l'anti-impérialisme, parce que tu vois, si tu brandis en fait la lutte contre la circoncision... En disant les Américains c'est des dégénérés, ils sont circoncis, ce qui est vrai mais pour des raisons d'hygiène simplement et c'est fait de manière automatique à l'hôpital à la naissance quoi. Tu te retrouves avec qui? Avec les musulmans derrière toi qui sont aussi circoncis, tu vois, c'est même pour résister à la dégénérescence. Ah ouais, on est plus en survie. La dernier rempart à l'empire. Voilà, donc voilà, bon, et t'as même pas les juifs pour faire l'arbitrage, tu vois, donc tu vois, c'est... Ouais, tu te retrouves un peu isolé sur le plan géopolitique. Non, les juifs, c'est la quête, c'est pour faire la quête. Bon, donc voilà, on est un peu bloqué. Bon, quelqu'un va rajouter quelque chose là-dessus ou... Enfin bon, moi j'aime beaucoup hein, les montagnes afghanes, ça me fait beaucoup voyager, hein, surtout quand on balance des bombes dessus, mais... Non ? Certes. Mais ben, juste pour dire quand même que les Afghans ont l'air d'avoir chez eux quand même le pire et le meilleur, parce que moi j'ai regardé des reportages alors qui parlaient pas du tout des talibans, mais où j'ai vu des Afghans qui au contraire dégageaient beaucoup de calme, quoi, des peuples des montagnes, ou même bah, l'autre là, le commandant Massoud, là. J'avais vu un reportage sur le commandant Massoud, il avait l'air, enfin ses idées politiques, peu importe quoi, mais il se tenait bien comme type, il avait une certaine prestance, quoi. Oh bah tu il sais avait quoi, calme, il avait pas l'air d'un... Quand t'as fait le relâchement, chèvre, quoi, voilà, ouais. quand t'as baisé ta chèvre, tu te sens mieux, hein. Le relâchement post-coïtal. Alors moi j'ai bien envie de, comme tu disais Gandalf tout à l'heure, si Trump pouvait avoir le doigt qui glissait vers le déclenchement des bombes nucléaires, je leur dirais naufrage de mon vitriolage. Bah l'Afghanistan c'est quand même pas un cadeau comme pays, je veux dire, je ne... Bon en même temps, bon s'ils veulent s'enculer comme des fous là-bas, bon ça me va bien, je veux dire, bon moi, bon, c'est un fait, je veux dire, bon, il n'y a rien à... Enfin, il y a effectivement des minerais rares, etc., sur lesquels les Chinois ont mis d'ailleurs leurs mains, mais bon, l'Afghanistan, c'est quand même pas la destination à laquelle on pense tous en premier, dès lors qu'il s'agit de rechercher la prospérité, on va dire, quoi. Donc, voilà. Mais c'est pas grave, en même temps, on est maintenant hanté, quoi, par toutes ces décisions à la con qui ont été prises par les néoconservateurs, etc. Parce que finalement, tous ces migrants viennent maintenant nous polluer racialement, enfin, viennent polluer le petit peuple, consécutivement à plus de 15 ans de guerre. Bon, ceci étant dit, soyons pas caricatural, avant ça, ils se foutaient sur la gueule entre eux, entre talibans, non-talibans, puis avant ça, il y avait les soviétiques, donc les russes, et puis encore avant ça, ils se foutaient de toute façon sur la gueule, enfin, ça n'a jamais arrêté dans ce pays-là, et ça n'arrêtera jamais, quoi. En gros, pour les reconnaître, pour les auditeurs qui sauraient pas trop à quoi ça ressemble, pour les reconnaître, c'est un croisement d'Indiens et de Bougnoul. C'est vraiment l'entre-deux parfait, quoi. Exactement. Ah oui, là on est dans le bon compromis, là. Ouais. Indiens et Bougnoul, c'est bien. Ceux dont on se dit race indéterminée, voilà, 50% de chance que ce soit eux. Ouais, c'est vrai, ils ont des gueules de gris, on les voit gris souvent. Gris foncé. IR, on sait jamais trop qui c'est. Ouais, c'est spécial, ouais. Et alors, quand vous tombez, des fois, vous pourrez tomber sur un bon Afghan et vous le prendrez pour un Syrien ou un mec comme ça, parce qu'il sera un peu plus blanc, il aura un peu plus de calme, enfin, il sera moins, ouais, moins négroïde, moins indien que Eh, tu sais, moi, franchement, moi, dépasser les Balkans, moi, je n'arrive plus à distinguer le Turc de l'Irakien, du Syrien, du... Faut vraiment arriver au niveau du Pakistanais ou du Bangladesh, tu vois, pour que je commence vraiment à... Ah oui, effectivement, même dans ces races merdiques, il y a des distinctions, tu vois. Parce que sinon, moi, c'est un océan de caca marron, quoi. Je n'arrive pas à les... Il y a des subtilités, non. Bon, ouais, le Saoudien, à la limite, mais parce qu'il a son torchon sur la tête, tu vois. Mais sinon, non, j'ai beaucoup de mal, moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les métèques. Hein. C'est dur, quand même. C'est une science. Ouais, il y en a des droits, enfin, il y a enfin, pas des droits, mais il y a des métèques qui ont été un peu civilisés quand même. Tu sais, t'as des centres de civilisation, quoi. Par exemple, t'as certains Égyptiens, certains Syriens, du fait que ça a été des. À un moment donné, ils ont été autre chose que des bougnoules avec des pierres, quoi. Tu vois que des fois, tu rencontres des individus supérieurs chez ces peuples-là, quand même. Ouais, ouais, un ouais, sur 50, mais tu. C'est pas super. C'est pas la même chose que l'Algérie, par exemple. Moi, c'est. Bon, admettons, tu vois, mais. Moi, je retiens surtout le taux de mélanine, la peau basanée, les petits rablés bien poilus, tu vois. C'est quand même un petit peu tout le temps la donne, quoi. Bon, enfin, bon, je fais confiance à ton jugement, après tout, pourquoi pas. On a tous en tête Laurence d'Arabie, hein, voilà. Bon, l'arabe au port altier, tu vois, la main non, sur le cœur. Bachar et sa femme, ils ont de la gueule, Bachar et sa femme, par exemple. Ouais, mais sa femme, elle est pas totalement arabe, je crois. Elle est à moitié sa anglaise. Sa femme, elle est blanche. Hein. Elle est à moitié anglaise, je crois. À moitié, je crois. Quand tu la regardes, elle a une tête de blanche. Hein. Elle est pas arabe. Ben, elle est à moitié. Et même lui, hein, il a à moitié une tête de blanc. Il a c'est les alaouites. Ouais. Bah, il a surtout une tête d'épicier, en fait. Alors, effectivement, il a quand même une tête à te faire un kebab. C'est vrai, mais un kebabier planté sur 1m95, parce que je crois que c'est une asperge, ça. Bah, c'est-à-dire que les kebabs du Père Assad, c'est connu mondialement quand même, hein, je veux dire. Kebab au phosphore blanc pour tout le monde. Bon, rendons quand même hommage au président Assad qui sait s'occuper justement des éléments les plus indésirables de ces contrées. Hein. Alors, sujet numéro 2, c'est le nègre de la semaine, alors, qui nous a été soumis par l'esprit d'ailleurs, par Derek, hein, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui pense très souvent à nous et qui a souvent de bonnes suggestions. Derek nous a proposé le nègre de la semaine, et le nègre de la semaine, c'est Prodigy, le rappeur, qui est mort, vous le savez ? Vous le savez ça, qu'il est mort, Prodigy ? Ah non, j'ignorais. Il est mort. J'ignorais. Il est mort. Il est mort, et il est mort en s'étouffant avec un œuf. C'est authentique. On fait péter la veuve Clico. Non, mais c'est sérieux. Alors, le célèbre rappeur américain membre du groupe Mobb Deep est décédé à l'âge de 42 ans, le 20 juin dernier à Las Vegas, et selon l'autopsie, ce serait en avalant son repas qu'il aurait perdu la vie. Si la disparition de Prodigy a ému toute la planète hip-hop, les causes de sa mort demeuraient floues. Et ce vendredi 4 août, le site d'information People TMZ vient éclaircir ce mystère. L'officier de police du comté de Clark a pu établir que le rappeur légendaire est décédé le 20 juin dernier à l'âge de 42 ans en s'étouffant accidentellement avec un œuf. C'est-à-dire que ça devait... C'est, ah bah c'est le nègre, ce genre là, de... c'est même le nègre de l'année, là, je crois. Ah oui, oui, non, mais là, on en tient un bon. Alors, Prodigy, donc, je connais... À mon avis, ça devait être ce genre de nègre qui a fait du fric très jeune avec le rap. Du coup, il devait avoir des gens qui lui faisaient ses omelettes, tout ça. Il devait pas savoir, en fait, qu'un œuf, il fallait briser la coquille, quoi. Le jour où il a plus de thunes parce qu'il avait tout claqué dans le crack, il a été obligé de se faire bouffer lui-même, puis il a décidé de se gober un œuf cru. Parce que c'est des Mobb Deep, là on est dans il me semble, ne pas me tromper en disant que c'est New Yorkais, on est dans les gros consommateurs, là. C'était le groupe, dont il faisait partie, c'était du, comment dire, ce qu'on appelait du rap dark, quoi, c'est-à-dire du rap vraiment de ghetto, les mecs se gargarisent de leur merde, quoi. Et du coup, je pense qu'il consommait énormément de substances, et pour être plus sérieux, c'est pas son œuf qui l'a tué, c'est le fait qu'il a essayé de se bouffer un œuf complètement défoncé au crack, et il a dû l'avaler par la Évidemment, il devait avoir toute la gorge anesthésiée par la coke, il l'a avalé par la mauvaise trachée. Personne n'a dit comment, ça se trouve qu'il a avalé l'œuf avec la coquille peut-être, hein. On n'en sait rien, je veux dire. Oui, voilà, bah, ça se trouve, moi je disais ça, c'était une blague, mais ça se trouve, c'est vrai, il l'a peut-être carrément avalé avec la coquille, mais moi je pense qu'il était juste complètement défoncé au crack, quoi. Alors, lui, c'est marrant d'ailleurs, il souffrait de la maladie de la drépanocytose. Ah. Ouais, et c'est pour ça qu'il a très souvent été hospitalisé dans sa jeunesse, et c'est là qu'il a commencé à écrire des textes engagés. Bon, voilà, le nègre écrit des textes engagés, vous savez ce que ça veut dire, quoi. Ouais, yo, bitch. Bon, bref, et c'est là qu'il a découvert sa vocation et tout. Et bon, le mec était vachement connu, hein, quand même, hein, dans le monde du rap. C'était quand même quelqu'un, ouais, Prodigy, ouais, quand même, il était connu. Ah oui, très très connu. Ouais, ouais, le nom dit quelque chose à tout le monde. Dans le top 10, quoi, dans le top 10 des plus connus, avec 50 Cent, Eminem, Snoop Doggy Dogg, enfin, t'en as 10 comme ça, des espèces de rappeurs américains qu'on trustait les médias internationaux, quoi. Ils étaient partout, quoi, et lui, il en fait partie. Mais il était aussi beaucoup dans la production de musique. Je crois que ça a été un gros producteur. Je dis peut-être des conneries, j'en suis sûr à 95%, il aurait fallu que je travaille le dossier, mais il me semble que c'était un gros producteur, il a fait monter beaucoup de gens, quoi, en fait. Donc il était important dans le milieu. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ouais, nègre de l'année, là, potentiellement. C'est bon, ah, voilà, quoi. C'est... Bah, nègre de l'année, évidemment. Moi, ça me fait aussi penser à quelque chose. À chaque fois que vous voyez dans les médias mort, non... Enfin, vous voyez comme ça, mort douteuse, les médias sont imprécis sur le pourquoi du comment. C'est évidemment toujours des trucs soit de pervers total comme Richard Descoings qui devait avoir le fion en chou-fleur, qui devait être à poil avec des petites oreilles de lapin. Enfin, ça devait être tellement, tellement risible et glauque qu'il fallait qu'il y ait silence radio. Et puis, la drogue. C'est à chaque fois, vous voyez toutes les stars, machin, mort inconnue. Vous rigolez ou quoi? Les médecins aujourd'hui, ils sont capables de déterminer la mort d'un mec qu'ils retrouvent dans l'océan un mois après. Ils sont pas capables de déterminer la mort d'une superstar sur qui les moyens colossaux sont mis. Évidemment qu'ils savent exactement pourquoi le mec est mort. Et à chaque fois, c'est de l'overdose ou c'est des causes tellement ridicules. Comme là, le mec qui a dû essayer de se gober un œuf parce qu'il était complètement camé. Il a dû faire un pari avec un pote qui pouvait se gober un œuf avec la coquille. Puis de l'avaler directement dans les poumons parce qu'il était tellement drogué que son système faisait même plus la distinction. Et puis voilà, c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Ouais. Bah, boucacologie, premier semestre. Crack plus mélatonine égale mort-con, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, faut pas exclure totalement le règlement de compte à coup d'œuf, tu vois. C'est-à-dire, en fait, je t'étrangle et ensuite je te fous un œuf dans la gorge, tu vois. Voilà, bon, j'écarte absolument rien avec les nerfs. Ah oui, t'as raison. Et oui, il y a beaucoup ça aussi. Ouais, puis c'est des milieux ultra mafieux, hein, parce que, bon, les nègres... Qui dit nègre dit rap, dit coke, drogue, règlement de compte, argent, voilà, tu vois, ça va vite, quoi. Et puis, ça aurait peut-être pu être un 9 mm. C'est pas faux. Le jeu de mots est bienvenu. Alors, j'enchaîne avec le sujet suivant, les amis. Alors là, c'est le droitard de la semaine. Et là, c'est Donald Trump. Toujours aussi décrié aux États-Unis par les médias, par tout le monde. Bon, bref, ça n'arrête pas. Mais il a fait un mouvement très intéressant politique. Je vous le cite. Hein. En fait, il a décidé de casser la discrimination positive aux États-Unis, qui en fait est une discrimination anti-blanche, hein, ni plus ni moins. Je cite CBN, je crois. Non, CBS, autant pour moi, CBS. L'administration Trump prévoit d'utiliser les ressources de la division des droits civiques. Ça, je crois que c'est ça le meilleur, ça. La division des droits civiques du ministère de la Justice pour enquêter et poursuivre des universités qui auraient pu discriminer des candidats blancs dans le cadre de leur politique de discrimination positive. Le ministère de la Justice recherche des avocats afin de travailler sur un nouveau projet visant à enquêter et potentiellement poursuivre certains cas impliquant une discrimination intentionnelle basée sur l'appartenance raciale lors des admissions dans les lycées et universités, selon un document paru dans la presse américaine. Opposants et soutien du projet s'accordent sur le fait que ce plan vise les programmes d'admission qui donnent aux Noirs et Hispaniques des passe-droits vis-à-vis des autres groupes raciaux réalisant pourtant de meilleures performances lors des tests d'entrée. Alors, un petit briefing, en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, la discrimination positive a commencé il y a déjà très longtemps. Et c'est un mauvais terme, en fait. La discrimination positive, en fait, est une discrimination négative, une discrimination tout court, c'est une discrimination anti-blanche. Donc la discrimination anti-blanche aux États-Unis a commencé au début des années 60, vraiment a commencé à s'institutionnaliser à partir de ce moment-là. Ça a commencé dès avant, hein, je veux dire. Parce qu'on est passé d'une phase de ce qu'on appelle la déségrégation, donc la fin de la compartimentalisation des races noires et blanches, à la promotion active du mélange racial. Donc ce qui est différent. Et ensuite, on est passé de ça, donc de la lutte contre la ségrégation à la promotion du mélange, au privilège. Parce qu'en fait, aux États-Unis, dans les universités aujourd'hui, les nègres, les juifs, les militants juifs, les communistes, etc., parlent de privilèges blancs, structurel et tout, c'est archi faux. Le privilège qui existe et qui est sanctionné par la loi, c'est le privilège pour les nègres et les métèques en général. C'est-à-dire qu'il y a des quotas qui sont promus partout systématiquement, dans l'administration, dans les universités, etc., sans regard pour le mérite, c'est-à-dire indépendamment de votre intelligence, de vos capacités, de ce que vous avez fait réellement. C'est que c'est sur la base de votre appartenance raciale que vous allez pouvoir accéder à des postes ou pas, notamment, effectivement, dans les études supérieures ou bien dans l'administration. Donc en France, on est très loin de ça, il faut avoir conscience de ça, hein. Très très loin de ça encore. Même si Sarkozy a essayé sa discrimination positive, c'était du pipi de chat à côté. Et donc, Trump, ça a commencé à s'institutionnaliser en 61 avec Kennedy, puis ensuite avec Nixon, à partir de 66-67, il y a eu toute une série de dispositions qui ont été prises et tout, Johnson, Nixon, et puis après ça n'a plus arrêté, quoi. C'est vraiment la promotion des négros partout. Ça concernait que les Noirs ou ça concernait aussi les homosexuels et les... Non, essentiellement les Noirs pour commencer, et puis ensuite, bah, c'est simple, quoi. On a créé d'autres catégories, les Hispaniques, machin et tout. Trump, pour la première fois, remet ça en cause frontalement. C'est-à-dire qu'il dit, il y avait eu des affaires qui avaient commencé à sortir il y a maintenant environ 2 ans, de Blancs qui disaient, bah voilà, j'ai été discriminé, c'est pas normal, on m'a interdit d'accéder... à telle université, alors que bon, mes résultats sont ce qu'ils sont, etc. Voilà. Et ils ont amené ça devant la Cour suprême et tout. Enfin, il y a vraiment un gros bazar juridique là-dessus, parce qu'évidemment, c'est une saloperie. Évidemment. Mais Trump a décidé de relever le gant et de remettre ça en cause. Et il dit pas je vais promouvoir des privilèges pour les Blancs. Il dit je vais rétablir une base égalitaire pour tout le monde. Mais de facto, comme les nègres sont stupides, évidemment, ils vont se faire balayer, c'est évident. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'institutionnaliser, je veux dire, une ségrégation pour faire en sorte qu'il y ait des différences raciales. C'est-à-dire que les nègres sont cons comme des manches, les hispaniques sont un peu moins cons, les blancs sont intelligents, et les asiatiques, enfin, genre les chinois, les vietnamiens, sont globalement assez efficients. Ils sont moins bons après dans le domaine professionnel, mais ça c'est une autre question. Mais ils sont bons dans les études, parce qu'il s'agit de répéter en fait. Mémoriser, répéter. Intelligence très féminine en fait. Ouais, voilà. Et quoi qu'il en soit, Trump est en train de faire péter ça. Donc après 50 ans, plus de 50 ans, vraiment d'une politique de destruction des blancs au plan des institutions et de l'État aux États-Unis, Trump dit non. Je vais enquêter là-dessus parce qu'il y a peut-être de la discrimination. Donc il reprend l'argumentaire anti-discrimination, mais pour défendre les Blancs, parce que c'est une réalité, il y a un racisme anti-blanc institutionnel aux États-Unis maintenant, ça paraît délirant à entendre, hein, mais c'est authentique, hein, c'est vrai. Obama était la plus belle fleur de ce processus, et il a décidé de changer ça, et accouplé, mais alors c'est pas le sujet, mais accouplé avec sa nouvelle loi sur l'immigration qu'il propose, qui a été annoncée cette année, qui est aussi une loi qui tend à remettre le mérite au sens du truc. Alors c'est pas une immigration comme elle existait jusqu'avant 65. La loi sur l'immigration qui a été votée aux États-Unis à l'époque, promue essentiellement par les Juifs d'ailleurs, qui visait en fait à transformer les États-Unis en poudrière ethnique, hein, c'était ça le but. En 65, qui était aussi promu par le successeur de Kennedy, qui était Johnson. Trump a proposé un nouveau système d'immigration qui va être un système beaucoup plus à l'australienne ou à la canadienne, qui va être sur la base des compétences professionnelles, des diplômes, des moyens financiers, des capacités dans la langue, etc., la langue anglaise, bien sûr. Donc, là encore, ça va éliminer beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets, parce qu'aux États-Unis actuellement, c'est comme en France. C'est 85-90% de l'immigration, c'est une immigration de regroupement familial de population du tiers-monde. Hein. Faut le savoir. Donc, ça fait le lien, ça a été lancé dans la même semaine. Donc, destruction de la discrimination anti-blanche aux États-Unis et destruction de la politique d'immigration conçue par les militants de gauche, marxistes, juifs aussi, visant à faire de l'Amérique en fait un bordel du tiers-monde. Alors, qui veut réagir sur ce sujet-là? Je prends les réactions dans l'ordre qui se sent là. Bah écoute, Trump, méga, pour le coup, lui, c'est pas le nègre du siècle, c'est le blanc du siècle. Enfin, pas le nègre de l'année, mais le blanc de l'année. Et lui, je pense que ça sera le blanc de la décennie facilement. Il avait montré 2-3 signes de fébrilité, un peu de folie, un peu de, mais sur le plan de la politique intérieure, c'est un sans faute, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que, en fait, les quelques merdes qu'il a fait, sur le plan international, il les a fait pour avoir plus de jeu sur le plan de la politique intérieure, pour qu'on le laisse un peu plus tranquille. Parce que les Juifs étant principalement concernés par tout ce qui se passe sur le plan mondial et par la géostratégie, quoi. La politique, en gros, que Trump transforme les États-Unis en un petit paradis pour les blancs, c'est pas ce qui les dérange le plus. Ce qui les dérange le plus, ça serait que Trump fasse que tout l'opposé de ce qu'ils veulent sur le plan international. Donc je pense qu'il a donné 2-3 gages sur le plan international et que il va satisfaire à mort sa population, parce que là c'est vraiment parfait, quoi. C'est tout qui s'inverse en une loi d'un seul coup. La dynamique est dans le camp des blancs, c'est les autres qui se retrouvent pointés du doigt, tous ces enculés de parasites qui ont réussi à s'établir sans aucune compétence. D'un seul coup, ils se retrouvent à claquer des genoux avec les spotlights pointés sur eux. Et c'est vraiment excellent, quoi. C'est inattendu en plus, parce que ça tape au cœur de la matrice. C'est fin, quoi. C'est parce que c'est inattaquable. Il réutilise en fait les organes qui avaient été mis en place par toutes ces saloperies antiracistes. Et bah du coup, vu qu'elles luttent contre le racisme, il les réutilise comme ça. Il les met pas au chômage tout de suite. Il les réutilise d'abord pour rééquilibrer le racisme qu'ont subi finalement les Blancs depuis 30 ans. Et voilà, c'est très bien joué, quoi. Quelqu'un d'autre, là, sur le... Alors moi, je trouve qu'il était temps, parce qu'il y a une info qui est sortie donc il y a 2 jours. L'université américaine de Harvard, pour 2017, et pour la première fois de son histoire, il y a une majorité de non-Blancs inscrits pour la prochaine rentrée. Donc il était grandement temps de mettre fin à cette discrimination positive à l'égard des non-blancs. En fait, il faut changer les termes. Il faut dire c'est pas la discrimination positive. C'est la discrimination anti-blanche. C'est du racisme d'État anti-blanc. C'est pas positif. Il n'y a rien de positif là-dedans. Enfin, sauf si t'es un nègre con comme tes pieds, mais que tu veux pouvoir dire j'ai été à Harvard, tu vois, en sachant très bien que tu feras rien derrière. Voilà, tu vois. Et en plus, tu parles de ça, d'Harvard, voilà. Une majorité de non-blancs, tu vois. Alors là, il faudrait voir, parce que c'est des universités américaines, donc maintenant elles sont tellement internationalisées qu'on ne sait plus très bien quelle est la part de business là-dessous, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent aussi. Hein. C'est vrai. Ils forment beaucoup de gens à l'étranger, bon, pour plein de raisons, notamment des Asiatiques. C'est pas le truc le plus intelligent qu'ils font d'ailleurs, mais bon. Alors l'article parle seulement de ceux qui viennent, des États-Unis. D'accord. Donc ouais, d'accord. Bah alors c'est deux choses l'une, soit c'est un phénomène simplement d'évolution démographique, parce que bah voilà, il y a trop de bambou là, mais ça paraît pas probable, parce que il est bien évident que c'est pas chez les nègres et chez les hispaniques qu'on va recruter des génies, hein, même pour aller à Harvard. Donc ça pousse au cul pour en fait effectivement avoir des phénomènes de surreprésentation. Mais d'ailleurs, on n'a jamais appliqué vraiment totalement la discrimination positive à fond, puisque en fait les Juifs sont surreprésentés dans les universités américaines. On n'a jamais cherché à limiter leur nombre, paradoxalement. C'est assez curieux, hein, vous voyez. C'est bizarre. Ouais, c'est très curieux. Il aurait fallu, par souci de justice, quoi, de dire bah voilà. C'est normal que toutes les populations fassent un effort, et que les Juifs, qui sont quand même très surreprésentés, bah, laissent des Africains aussi passer devant eux, quoi. Et ça s'est jamais fait. Étrange. C'est dommage. Quelle réputation elles ont, ces écoles? Parce que je sais qu'il y a des classements qui sont assez objectifs, parce que les Chinois et tout ça y participent. Comment ça se fait qu'il me semble qu'elles ont des notes pas trop mal, ces grandes universités américaines? Bah en fait, le nombre de nègres. Bah en fait, si tu veux, c'est en fait, moi j'y ai pas été évidemment, donc je pourrais pas le dire, mais je présume que selon les départements et selon les méthodes, tu peux en fait filtrer à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que tu peux créer des départements bidons. Où le gouvernement peut dire je respecte les quotas, tu vois, mais en mettant les nègres à faire du foot. Du football américain. Et les féministes aux études de genre. Voilà, des études trucs sociologiques, machin. Et puis ensuite, quand t'arrives dans les sciences dures, toi, les trucs vraiment impitoyables, là où là, il faut être performant, tu vas tout d'un coup découvrir en fait, que t'es cerné de blanc et d'asiates et qu'il n'y a plus personne d'autre. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, une université peut très bien dire j'ai 55% de non-blancs dans mon université. Et tout le monde va dire c'est extraordinaire. Puis ensuite, quand tu vas te renseigner, tu vas te rendre compte qu'ils ont créé plein de départements à la con où ils mettent des nègres à la chaîne, voilà. De la sociologie. Oui, et en plus, ça leur fait plaisir. C'est-à-dire que tu dis de la sociologie, par exemple, tu vois, ils avaient fait ça, comment ça s'appelle ? Les études... c'est un nom très spécifique. Où tu les mets, en gros, dans de la sociologie, de l'histoire, des trucs comme ça. Tu peux en mettre, mais des salles entières, tu vois. Les types sont super contents parce qu'on leur explique que d'abord c'est des victimes, que c'est des et en même temps c'est des héros, que sans eux l'Amérique n'aurait jamais rien été, tu vois, et que ces gens il faut leur baiser les pieds. Formidable, extraordinaire, tu vois. Et ensuite tu leur dis ouais, tu leur passes la pommade quoi. Tu leur files un diplôme, tu vois. Kongs. Voilà, et une fois qu'ils ont leur diplôme, en fait, tu vois, tu te rends compte, en fait, ça sert à rien. Et ouais, t'es le roi du monde, mais en fait tu sais rien foutre, tu vois. Alors que tu vois les petits blancs, tu vois, qui ont un peu plus fermé leur gueule, qui sont limités en fait, tu vois, aux sciences dures, par exemple, je sais pas, la physique, la chimie, même en appliqué, tu vois, on s'en fout. Eux, en fait, il y a pas de problème, quoi. Tu vois, ils vont tout de suite faire des salaires de fou parce que ils sont tout de suite embauchés, quoi. Et en fait, si tu veux, la limite est respectée, enfin les quotas sont respectés. Tout le monde est content, sauf le bamboula, tu vois, qui à la fin... Il préserve quand même l'excellence. C'est juste tout ça, c'est de l'hypocrisie assez protestante, d'ailleurs. Je trouve qu'ils sont assez forts pour ça. Tu sais, arriver à montrer un truc qui est tout autre que la réalité, les protestants, ils se démerdent bien pour ça, mettre les trucs sous le tapis, tu vois. Et là, je pense que t'as raison, hein. C'est ce qu'ils font parce qu'il me semble que leurs notes sont même très bonnes. Hein. C'est encore des universités très bien notées, hein, si je me souviens la dernière fois que j'avais vu le classement. Quoi. À l'inverse, oui, non, mais attention, française, où là, l'égalitarisme est réel, c'est-à-dire que là, il est, il est pas hypocrite, c'est pas un truc d'hypocrisie, de façade, quoi. C'est vraiment de l'égalitarisme viscéral. Et nous, on se plante, on est en chute libre depuis 30 ans, quoi. Non, mais puis il faut se représenter ce que c'est les cités universitaires américaines. C'est-à-dire, c'est des villes avec des grandes entreprises, des multinationales qui sont couplées à ces villes-là. Donc quand on dit l'université machin, nous on se représente l'établissement, je veux dire, on se représente une fac française. C'est-à-dire toi, t'as le bâtiment en face de toi, si tu veux, t'as 30 classes là-dedans et tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est une ville entière que tu peux organiser racialement si tu veux. Avec des endroits où t'as les Africains et tout, bon, évidemment t'as des espaces mixtes et tout, mais en fait c'est bidon. Et dans les départements où ça se passe vraiment, c'est-à-dire les sciences pointues, tu vois, où là il faut du rendement, je vais pas rentrer dans les détails, mais même dans certains départements de psychologie où on se branle pas, quoi, où on fait vraiment du vrai boulot, où on bosse sur les. Dans d'autres trucs, où on fait des expériences qui sont très pointues sur l'intelligence artificielle, etc. Ou de la recherche en biologie, peu importe, tu vas te rendre compte qu'ils n'y ont pas accès. C'est-à-dire que les Africains ne pénètrent pas. Et quelques Hispaniques pénètrent parce qu'ils sont bons. Parce que voilà, ils sont intelligents et qu'ils passent les tests et qu'ils réussissent et ils percent et à ce moment ils arrivent là-dedans, tu vois. Mais c'est des branches qui sont totalement dominées par les Blancs, si tu veux. Et en fait, la seule discrimination qui marche là-dedans, c'est la discrimination du potentiel, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, les Américains, tu vois, malgré tout, ils ont encore un enseignement supérieur qui porte bien son nom, en fait. Qui est un véritable enseignement supérieur. Alors, en France, il n'a de supérieur que le nom. Oui, c'est évident, oui. Bah oui, parce qu'en France, comme disait Astérix, on est dans un vrai enseignement socialiste où l'égalitarisme est vraiment appliqué. C'est le vrai but de l'université, le vrai but de l'université, c'est pas de produire des élites qui sont brillantes, c'est de correspondre à des canons idéologiques. Oui, absolument, oui. D'ailleurs, vous savez qu'au niveau du recrutement, en France, pour le recrutement des universités, c'est par tirage au sort maintenant. Enfin, c'est vraiment absurde. Ils ont choirdisé carrément. Ah oui, carrément, ils en sont là maintenant, je ne savais pas ça, moi. Oui, tirage au sort. Il y a un article qui était sorti au début de l'été. Un gamin, un petit blanc breton, un petit blanc, quoi, blond, je crois même. Donc, on devrait peut-être lui délivrer un certificat d'arianité, parce que ça commence à devenir rare. Il avait eu 18 ou quelque chose au bac scientifique, donc c'est pas le bac STMG, hein, c'est le bac scientifique. Même si le bac est bradé, ça reste quand même le bac scientifique. Voilà, 18 sur 20 de moyenne. Et il avait pas eu la fac, parce que c'est par tirage au sort. Et du coup, bah voilà, à sa place, il doit y avoir une espèce de gros bamboula complètement ignare qui a demandé ça parce qu'il savait pas trop sur quoi cliquer sur le site admission post-bac, et hop, ça y est. Non mais attends, mais j'ai jamais entendu parler de ça, moi, que c'était maintenant par tirage au sort, je comprends pas. Ah, mais ils le disent pas. Incroyable. Ils le disent pas trop, parce que c'est tellement scandaleux que même eux qui sont à fond dans ce logiciel dont tu parles, un logiciel vraiment socialiste, ils ont peur de le dire, quelque part. Putain, les chômeurs qui écoutent choix en ont rêvé, la France l'a fait, quoi. Bah, la France l'a fait, voilà, et tout le monde se rend compte, en fait, que c'est... Ah, bah, ça bénéficie aux nègres, alors, c'est étonnant. Bah, ça, alors qui l'eût cru, tu vois? Dans une France balkanisée ethniquement, tu vois, tu fous en l'air la méritocratie, tu mets en place la démocratie, tu fais tirer les gens au sort, et comme par hasard, toi, c'est curieux, tu vois, mais ah, les nègres s'en sortent bien, tu vois. Oui, bah, je pense qu'Étienne Chouard doit être très satisfait. Ah bah lui, oui, bah lui, je présume, oui, ce serait... Il a peut-être même participé à la création de ce truc à la con, hein. Il est dans tous les coups fourrés de tirage au sort. Dès qu'il y a un tirage au sort, une courte paille, un truc, t'as un choix qui pointe sa tête. Hein. C'est ça. Oui, oui, effectivement. Tu vas dans un casino, tu joues à la roulette. Oh, tiens, c'est choix qui fait le croupier. C'est bizarre. C'est ça, absolument. Alors, les gars, moi, ce que j'ai. Ouais. Vas-y, c'est vrai. Ah, ok. Non, je voulais juste dire qu'il y a quand même. C'est ça que j'aime bien, si tu veux, chez les anglo-saxons et aussi les allemands, parce que par exemple, les allemands sont très féministes, mais j'avais entendu dire que dans les sciences dures, ils s'étaient rendu compte que les hommes et les femmes, c'est-à-dire les classes mixtes, étaient moins performantes que les classes séparées. Alors, ils n'ont pas dit que c'est que les hommes étaient plus performants que les femmes, mais qu'ils étaient abaissés au niveau des femmes, et surtout, ils étaient moins performants parce qu'ils regardaient le cul des femmes. Ils n'ont pas dit ça, mais en réalité, ils ont séparé les deux classes et les hommes sont bien plus performants dans les sciences dures. Là, on voit la même chose aux États-Unis. Est-ce que nous, on est capable, vraiment, la France, c'est le pays de l'abstraction. Pour moi, il n'y a pas un pays qui incarne plus l'abstraction que la France. Quoi. Déjà, il y a des philosophes français, enfin des pseudo-penseurs français qui disent que la France, c'est une idée. Et ils sont quasiment tous à penser ça. Donc on est un pays abstrait, même quasiment d'essence. Quoi. Donc après, évidemment, quand ton essence est déjà abstraite, après tu produis de l'abstrait, en veux-tu, en voilà. Quoi. Et en fait, nous, on est capable, juste pour une idéologie, d'être complètement à côté de la plaque, d'être complètement à côté de la réalité, et de continuer, persévérer, et d'être bien là-dedans, quoi, de patauger dans un monde parallèle de chiasse... Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est le projet, hein, je crois. Oui, c'est ça, effectivement. Bon, en tout cas, Donald Trump, lui, préfère... Enfin, essaie, parce que, bon, attention, les États-Unis sont dans une situation très... Bon, en fait, on a parlé de ça, mais les États-Unis sont dans une situation très ambivalente, à la fois dans une situation raciale très grave... beaucoup plus grave qu'en France, même si ça pourra en surprendre certains, et paradoxalement meilleur, puisque le logiciel, en fait, le terme n'est pas approprié, mais on va dire le contexte culturel, la réalité institutionnelle étant ce qu'elle est, les États-Unis et les Blancs américains bénéficient d'un certain nombre de moyens de réaction dont ne disposent clairement pas les Blancs en France. Hein. Je veux dire, ça, il faut déjà quand le même panda. Voir, hein. Oui, qu'est-ce que déjà, tu veux dire, Gimli, ouais. Je disais déjà, il dispose du port d'armes. Par exemple, liberté d'expression, bien sûr. Puis aussi dans le passé, dans l'imaginaire aussi, quoi. Je veux dire, c'est vrai que le nègre américain est dompté. Oui, il est dompté, et puis enfin, il est surtout. Et puis c'est surtout, enfin, aux États-Unis, c'est vraiment caricatural, quoi. Sur les campus, c'est vraiment les agitateurs juifs. Comme on les trouvait en Allemagne dans les années 20, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça là-bas. C'est des gens, enfin, ces juifs-là, je veux dire, Israël, c'est pas leur problème, hein, il faut bien comprendre ça. C'est, en France, les juifs sont très conditionnés par le sort d'Israël, ils aiment pas du tout les Arabes, l'immigration musulmane est très agressive à leur endroit. Aux États-Unis, on est dans un univers complètement différent. Les juifs qui sont présents sur les campus américains, les juifs qui sont tous très majoritairement progressistes et pro-basanés, ne vivent dans un autre univers. Et ils se comportent très souvent comme des ennemis déclarés d'ailleurs des blancs. Hein, je veux dire, et c'est motivé racialement. Enfin, c'est exprimé racialement, c'est du racisme anti-blanc exprimé. Qu'on peut retrouver, je veux dire, chez des intellectuels, chez des cinéastes contemporains, j'entends, hein, et puis sur les campus, bien sûr, dans des organisations. Et en fait, y a un décalage, en fait, et c'est intéressant à relever, quoi. Mais ils servent de principaux cadres de l'agitation, même si les Noirs, maintenant, ont aussi de leurs propres organisations, voilà, c'est intéressant. Organisation halogène qui devient de plus en plus anti-sioniste. Enfin, intéressant à relever comme phénomène. Ça. De plus en plus anti-israélien. Intéressant. Ça se produit, ça. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Non, ouais, écoute. Je pense que si je devais refaire mes études, je crois que j'essaierais d'échapper aux études françaises, quoi. Alors là, je vais faire convaincu. Une... D'accord. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode numéro 29. Et alors, Astérix avait envie de nous parler dans une rubrique... Enfin, c'est pas vraiment une rubrique, on va dire que là, c'est discussion assez libre, quoi. Sur le sport, en général, mais surtout sur le transfert de Neymar, hein, ce joueur de football originaire d'où, d'ailleurs, j'ai complètement avalé sa nationalité. Originaire du Brésil. Hein. Du Brésil, brésilien, d'accord. Donc, de l'état de São Paulo. De São Paulo, São Paulo, São Paulo. Et là, voilà. La République féolée, hein. Ah oui, voilà. oui, pour le moins, oui. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui est présenté comme un génie du football qui provient de ce pays. Mais alors lui, il a battu tous les records hein, de transfert. Alors, je crois même qu'il avait établi un record précédemment dans un transfert entre un autre. Oui, club. Alors, il avait déjà battu. Enfin, je sais pas si c'était le record, mais il avait déjà. Fait un très gros transfert de son club de Santos au club du FC Barcelone. Oui, parce qu'il y a un historique quand même de la montée en puissance du coup des transferts de joueurs. Il y avait Zidane, je crois, qui avait commencé, enfin pas commencé, mais il avait déjà établi un premier record, je crois, au début des années 2000. Je sais plus entre quel club et quel club d'ailleurs, mais je crois que plus ou moins sur sa fin de carrière. Il avait coûté une fortune. Bon, Neymar, je crois aussi, l'avait fait une première fois. Il y a un joueur gallois aussi, me semble-t-il, hein, qui a coûté une fortune. Blinde. Gareth Bale. Ouais, voilà. Vers quel club, lui, il est allé ? Vers le Real de Madrid. D'accord. Et comme joueur, qu'est-ce qu'il vaut ? Parce que bon. Alors, tous ces joueurs sont absolument énormes. Hein. Ce sont les meilleurs joueurs du monde. C'est-à-dire qu'il y a. Si tu veux, si on est complètement dans le rapport, si on rentre dans leur monde, on va dire que par rapport aux joueurs moyens, leur valeur est pas exagérée, parce que t'as des joueurs moyens qui sont payés 50 millions. Donc en fait, c'est un monde où les chiffres n'ont plus aucun sens, quoi, puisque c'est une énorme sphère à sponsoring. Les gens sont complètement, le foot, c'est vraiment l'opium de tous ces peuples désabusés. Par la modernité, quoi. Il y en a pas un qui réchappe, quoi. Ça touche l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, et tout le monde est fanatique. Vous allez en Suède, vous avez des fanatiques de foot, en veux-tu en voilà, au Japon, partout. Donc, c'est vraiment un truc où les millions sont injectés et remboursés. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un transfert comme ça, c'est même pas du nettoyage. Enfin, y a, de toute façon, les mafias sont intégralement infiltrées dans le football. Hein. Je vais en parler par la suite. Mais voilà, ce transfert va complètement être remboursé. Ils vont rentabiliser ce transfert en 2 ans, en 3 ans. Donc, on est sur des chiffres absolument ahurissants. Moi, ce qui m'amuse dans ce transfert, déjà, c'est l'agent. Pini Zahavi. Bon, tapez Wikipédia, Zahavi, Z-A-H, quand vous avez un Z et un H dans le nom, normalement, vous n'avez que c'est un agent qui prend une commission de 31 millions pour 3 coups de fil. Si vous n'êtes pas trop naïf, vous avez compris de quelle communauté il était, quoi. Donc là, on a vraiment, je pense, le métier le plus juif du monde, agent de joueur de foot, quoi. C'est des gens, en fait, ils ne vivent que sur le réseau. Ils sont alors assez plaisants, des gens machin avec la main bien collante, qui est bien tactile, voyez, qui vont vous tripoter l'épaule et tout ça, qui est avec un espèce de sourire franc, enfin franc pour qui veut ne pas voir, quoi, hein, pour le goy de service, quoi. Mais en tout cas, un sourire qui se veut franc. Et puis ces agents de joueurs, pour 3-4 coups de fil, 2-3 petits voyages en avion, ils se prennent des millions. Il faut savoir qu'ils prennent beaucoup plus que les footballeurs, quoi. Mino Raiola, Jorge Mendes, Pini Zahavi sont des gens qui se sont fait plus que les meilleurs joueurs du monde. Et ce sont des incompétents. Leur seule qualité, c'est le réseau. C'est le réseau et le montage financier, donc le réseau de haute volée. Alors, il faut des banquiers, il faut pas le petit réseau de Momo et de son Fourachit, quoi. Il faut un réseau international. Et qui a ce réseau international ? Bon, il n'y en a pas beaucoup. Eux, ils l'ont, et croyez-moi qu'ils en profitent, quoi. Ils le font payer à mort. Moi, je me demande pourquoi les clubs font encore, passent encore par des agents de joueurs, parce qu'il me semble qu'un club en lui-même a un réseau déjà établi, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain ou le Real de Madrid, pourquoi ils ne font pas tout simplement une appel d'offres, ils disent aux meilleurs joueurs du monde, venez nous voir, passez pas par vos agents, et puis au lieu que votre agent juif prenne 30 millions, on vous filera 15 millions à vous. Et là, ils auraient des Gareth Bale, tout ça, seraient venus se proposer d'eux-mêmes. Je comprends pas, en fait, ce délire d'agent. C'est vraiment une escroquerie juive. Il y avait que ce peuple qui pouvait se faire autant de millions en fournissant aussi peu d'efforts. C'est vraiment hallucinant. Et alors, il y a le symbolisme de ce transfert, moi, qui m'a un peu inspiré aussi. C'est, bah, donc, Pinizahavi, en alliance avec Nasser Al-Khelaifi. Je l'ai bien prononcé, hein, pour faire vibrer la chose, qui importe le Brésil en France, quoi. C'est-à-dire Neymar. Alors Neymar, qui sera un super joueur, hein, pour les amateurs de foot, il n'y a pas de souci là-dessus. Il fera des gris-gris, il fera des trucs sympas, quoi. Mais voilà, c'est le Brésil importé par un juif. À noter que Neymar commence sa carrière au PSG sur la pelouse de Guingamp ce soir. Hein. Bon. Et en avant Guingamp. Ah oui, à l'heure où on vous parle, voilà. Il doit d'ailleurs déjà y avoir le résultat du match. Bah, c'est-à-dire que voilà, c'est bon, bah, tu vois, la gloire, le truc coûte 220 millions, il est sur la pelouse de Guingamp. Voilà. En mais avant Guingamp. Ouais, moi, je me demandais, pour des transactions comme ça, c'est vraiment une question à la con, mais qu'est-ce qui se passe entre banques? C'est-à-dire que c'est juste informatique, quoi. D'un seul coup, il y a 220 millions en plus sur la banque, ou ils sont obligés d'envoyer des lingots, d'envoyer des garanties, quoi. Non, non, ils viennent avec des valises. Mais il y a quand même, il y a aucune garantie, parce qu'une banque 220 millions, c'est, il peut très bien avoir des banques qui est même pas ça. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait une mauvaise blessure, etc. Bien sûr. Mais alors comment dire, pour en revenir à ce truc-là, alors c'est décrié, c'est-à-dire que c'est contesté. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le football, qui aiment ce spectacle-là, et qui passent beaucoup de choses, y compris d'ailleurs dans les milieux nationalistes. Hein, parce que le sport est très apprécié dans les milieux nationalistes, notamment le football. Et bon, s'ils apprécient peut-être pas particulièrement Neymar, ils aiment bien le spectacle, et ils disent, bah, après tout, pourquoi pas, le football français était moribond, au sens, n'offrait pas de spectacle très intéressant, n'était pas branché comme était branché le championnat espagnol, dans une certaine mesure le championnat anglais. Il n'y avait pas de grands clubs, quoi. Il n'y avait pas de grands clubs internationaux au plan européen, comme le Barça, comme le Bayern ou d'autres. En France, c'était désespérément plat depuis au moins une quinzaine d'années, et ils se disent, bon, bah voilà, l'argent arrive, etc. Et alors, il y a du soft power derrière ça, parce que c'est le Qatar qui met des ronds, donc effectivement, derrière tout ça, il y a de la grande politique, mais il y a quand même des gens qui sont très contents de voir ça, de dire, ah bah, voilà, on a des grands joueurs maintenant, des joueurs vraiment d'envergure mondiale, qui arrivent jouer au PSG et qui vont peut-être faire du PSG un club d'envergure européenne. Alors toi, qu'est-ce que ça te dit, ça? Ah bah ça, on en rencontre plein. Alors il y a aussi un réflexe parfois qui procède du manichéisme, enfin de la, comment dire, de la dualité. C'est-à-dire que les gauchistes, en fait, sont à chaque fois qu'ils entendent parler d'un transfert comme ça, t'entends les Mélenchon, les Corbière qui montent au créneau, scandaleux, machin. Parce qu'en réalité, eux, c'est un truc contre le capitalisme. C'est-à-dire ils comprennent pas que le drame dans tout ça, c'est que le transfert va être rentabilisé, c'est que les gens sont assez cons pour tous acheter le maillot de Neymar. Mais eux qui croient aux gens, il faut en vouloir aux gens. C'est pas il y a pas d'arnaque là-dessus, quoi. Enfin, si, il y a des arnaques, mais on se comprend. C'est-à-dire que sur le plan purement économique capitalistique, il y a aucun problème. Le transfert de Neymar sera rentabilisé. Et du coup, il y a beaucoup de droitards, en fait. Vu que les gauchistes de merde sont tous en train de gerber, ils ont ce réflexe de dire, ah, oh, bah non, c'est très bien, par réflexe manichéens, quoi, d'opposition. Mais effectivement, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Les gens ne réfléchissent plus clairement dès que ça touche leur passion. En fait, ils sont incapables de se dépassionner. C'est pareil pour enfin, on retrouve ça très souvent. C'est-à-dire que les gens sont aujourd'hui incapables de s'élever au-delà de leur individu. Donc, à chaque discussion, ça passe par eux et ils ne sont pas capables de critiquer le foot parce qu'ils aiment le foot. Ils ne sont pas capables de critiquer les femmes parce qu'ils aiment les femmes ou je ne sais quoi. Enfin, tout le monde aime les femmes, mais bref. T'as parlé de la géopolitique qu'il y a derrière, ça aussi c'est intéressant, j'en avais pas parlé, mais le Qatar fait ce gros coup qui est un énorme coup, hein, vraiment, ceux qui s'intéressent pas au foot doivent quand même s'en rendre compte puisque tout le monde en parle largement au-delà des sphères du foot. On a vu Macron qui en a parlé, on a vu tout le monde qui en a parlé. De toute façon, 222 millions ne circulent pas comme ça de manière anodine, quoi, hein, c'est ça. Neymar va payer 100 millions d'impôts sur les 5 ans. Là. Donc il va y avoir 100 millions d'impôts pour la France sur 5 ans. Et en fait, le Qatar fait un gros coup parce que je ne sais pas si vous le savez, mais au Moyen-Orient, en ce moment, ils sont un peu ciblés, le Qatar. Ils sont mal vus. Les Saoudiens sont en train de les mettre un peu sur la touche, même plus, quoi. Ils sont en train un peu de les pointer du doigt dans tout ce qui est terrorisme, tout ça. Sûrement aussi pour se laver les mains, parce qu'à mon avis, les Saoudiens ne sont pas très propres. Mais du coup, le Qatar a besoin sur la scène internationale de se réaffirmer comme un pays, enfin dans le soft power, quoi. Ils ont besoin de refaire un gros coup. Et Neymar, croyez-moi, c'est loin d'être anodin. Ça implique toute l'Asie est complètement fan de ce joueur. En Amérique du Sud, on n'en parle même pas. Et c'est vraiment internationalement que le Qatar passe. Passe pour un gentil petit état qui fait signer un gentil petit génie du foot, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est effectivement il y a une guerre de communication, ça c'est bien observé de ta part, parce qu'il y a une guerre moyen-orientale à peu près, enfin énorme en gestation, enfin qui couve depuis maintenant très longtemps, depuis au moins 2010-2011 avec la guerre en Libye, la guerre en Syrie, mais ça se précise maintenant aussi à l'intérieur du Golfe, et c'est vrai que le Qatar se fait isoler par les Émirats, se fait isoler par l'Arabie Saoudite, et c'est vrai que ça peut être utile d'envoyer des signaux, notamment en France, de dire voilà les gars, on met de l'argent, on met du cash, c'est visible, ça plaît au peuple, ce que personne ne voit en France, ou en tout cas personne ne veut critiquer ouvertement, je veux dire en tout cas certainement pas dans le monde du sport, je ne connais pas un journaliste sportif qui tient à sa carrière et qui par définition n'est pas un journaliste politique, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que aujourd'hui les journalistes sportifs font du sportif, comme hier, mais le problème c'est que les intérêts sont désormais croisés. Et on a des journalistes sportifs qui se transforment de facto en propagandistes politiques. À leur corps défendant d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est pas nécessairement leur envie, je veux dire, de faire la retape pour le Qatar ou quoi que ce soit, mais de facto, ils sont obligés de le faire parce que ben voilà, leur public veut entendre parler du PSG, de Neymar, du recrutement, des scores, etc. Ils veulent le spectacle, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est intéressant de voir le truc se mettre en place. Et on voit que même Macron, il est là, il suce, quoi. C'est-à-dire que les vieux crados du Golfe et surtout du Qatar montent leur chibre. Et bah Macron se brosse les dents, met sa plus belle cravate et se met à avaler goulûment, comment dirais-je, le pénis des vieux dégueulasses. De l'Émirat, quoi. C'est magnifique. C'est son métier. Et pas de l'Émirat, justement. Parce que le Qatar table beaucoup sur la France. Pour la France et son... Vous savez, on est quand même sur le plan diplomatique. On a de l'importance. Bon, nous... On est les plus gros suceurs de bites. On est en fin de cycle, quoi. On en parle assez souvent. On sent la fin de... On sent que c'est la fin, mais malgré tout, on pèse encore un petit peu. Et le Qatar table énormément sur notre pays, pour s'en sortir sur le plan international, parce que on est un des derniers pays chez qui il y a encore des alliés très haut placés, Hollande, Sarkozy, tout ça. Je crois que Trump a ciblé le Qatar récemment dans une conférence. Le Qatar est ciblé par énormément de pays comme étant le pays le plus impliqué dans le financement de Daesh. Moi, d'instinct, je dirais que les Qataris sont mieux que les Saoudiens, mais on est vraiment en train de comparer deux chiasses, quoi. Mais au moins, ils sont passionnés de fauconnerie, déjà, ça me fait dire qu'ils sont pas totalement inhumains, quoi. Et je trouve quand même qu'ils dégagent moins d'intermenchitude, quoi. Parce que les Saoudiens, c'est vraiment des gras doubles, répugnants, quoi, dégueulasses. Les Qataris, il y en a beaucoup qui ont des dégaines un peu à la Nasser al-Khelaifi, là, qui... On sent quand même l'huile, on sent que ça se passe. Tu sais, à ce stade-là, tu vois, t'as même pas envie de chercher des espèces, hein, parce que le Qatar, tu sais, c'est même pas un pays. C'est-à-dire que le Qatar, c'est trois tribus et des esclaves par centaines de milliers, quoi. Tout le monde ferme sa gueule là-dessus, je veux dire. Mais de toute façon, un bout de merde sur un gâteau au chocolat, ça fait un gâteau à la merde. Oui, c'est ça, exactement. Et comment dire, c'est un émirat qui n'existe que par la volonté des puissances occidentales, Grande-Bretagne, États-Unis, parce que c'est pas un pays. Moi, ça me fait marrer. Je vois, ils ont pris des commandes. Je le lisais là. Les connards. Enfin, en plus qu'on voit, ils sont vraiment stipendiés. On parle les journalistes sportifs pour d'autres questions. Enfin, pas pour des raisons politiques, mais qui sont très médiocres, il faut voir ce que c'est les journalistes français tout court. Et les journalistes spécialisés dans les questions de défense, ce sont des tapins intégraux. C'est des mecs, ils bouffent du saoudien, enfin ils sucent du saoudien et du bougnoul matin, midi et soir. Et quand tu lis leurs écrits, des mecs comme Jean Guinel ou des mecs comme ça, ce sont des prostituées qui sont... Enfin, je veux dire, ils se passent de l'huile dans l'anus tous les jours pour se prendre du chibre d'arabe. Tu vois, c'est leur profession, quoi. Et les mecs te disent « Le Qatar va acheter des frégates, de beans, de trucs... » voilà. Alors, je voyais même récemment, là, l'autre... Georges Malbruno, alors là, Malbruno plutôt, ça devrait être son nom, qui est parti sur le Mistral, machin. Alors c'est que du publi-reportage, quoi, pour l'armement français, qui est bazardé à ces pays de bédouins, là, quoi. Les types n'achètent pas ces frégates parce qu'ils vont s'en servir. Ils sont incapables de les manœuvrer, ce sont des bédouins. Je veux dire, ils savent à la limite manœuvrer des troupeaux de chèvres. Mais c'est pour acheter la protection militaire et les services diplomatiques de la France, en l'occurrence, quoi. Et d'autres pays, d'ailleurs. Et bon, voilà, quoi, et rien de plus. Enfin, bon, je veux dire... C'est du très bon matériel, mais ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, c'est juste de la corruption déguisée. C'est de la corruption déguisée, voilà. Tu me vends un bateau, j'en ferai jamais rien. Tu me le surfactures, d'accord. J'ai rien vu sur la surfacture, tu prends la différence, tu mets ça dans un compte à Singapour, voilà. C'est magnifique, vive la République, vive la France, tu vois. Bon, c'est tout, quoi. Et balancer la Marseillaise. Oui, surtout mettez beaucoup de Marseillaises, voilà, c'est très important. Et puis faites une opération antiterroriste quelque part au Mali, là, entre deux troupeaux de chèvres avec des mecs un peu louches qui font de la contrebande de cigarettes. Bon, quand il y en a un qui mourra d'une balle perdue, on fera une grande procession et tout ça, ça va bien édifier les cons, voilà. Bon, ça, c'est l'armée française d'aujourd'hui, quand même, hein, je veux dire. C'est pour ça que d'ailleurs, De Villiers a démissionné, hein, je précise, quand même. Une armée de mercenaires sous-payés. Sous-payés, oui, mais qui a pas l'air de trop... voilà, hein, je veux dire... Et sous-armés également. J'en reviens... oui, revenons-en à Neymar. Au clash Saoud versus Qatari. J'ai quand même l'impression que les Saoudiens sont des pourritures dans tous les coups fourrés. Ils avaient foutu plein de mosquées au Kosovo. Ils investissent vachement dans l'islamisme radical. J'ai l'impression que les Qataris, je sais pas, ça m'a l'air d'être une tribu un peu plus noble, leur façon de conquérir les âmes, moins détraqués, quoi, tu vois, et eux, c'est le soft power, le fou, tout comme ça. Ils font comme ce qu'ont fait les Saoudiens au Kosovo, mais en France. Parce que tu regardes les financements des mosquées, c'est le Qatar. Hein. Entre autres, Strasbourg, ils en ont financé une récemment. Avec d'ailleurs l'aval du maire socialiste. Ça, c'était très très très content, le maire socialiste de Strasbourg. Il était là, il a assisté à la cérémonie, etc. Il trouvait ça très très bien. Le maire qui avale, hein, c'est bien ça? Ah oui, oui, bon, ils avalent tous. Hein, à ce moment-là, ça, ah, mais ils avalent. Et ils aiment ça. Alors, pour en revenir à Neymar, bon, on a fait un peu de géopolitique, là, bon, on a discuté très librement. Est-ce que tu veux géopolitique du sperme. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Astérix, sur ce transfert? Non, bah, lui, après, pour parler de l'individu, lui, c'est le parfait branleur. Moi, je le pensais vraiment très con. Il avait un regard bête, ahuri. Je pensais vraiment que ça allait pas devenir un grand footballeur quand tout le monde en parlait comme un futur génie. Maintenant, je suis obligé d'admettre que c'est devenu vraiment un très grand joueur de foot. Donc, pour ceux qui aiment le foot, bon, bah, ils pourront quand même oublier un peu la géopolitique un temps et le regarder en streaming. Parce qu'il faut pas filer de thunes à ses enculés, il faut pas s'acheter billes ni rien. Mais en streaming, on peut passer un bon moment en regardant Neymar jouer. Ouais. C'est vrai. Alors, deuxième sujet de la semaine sur lequel on va parler, c'est le voyage d'Alain Soral en Corée du Nord. Alors, bon, c'est un petit peu, ça relève un peu de l'anecdote, parce qu'on peut pas dire que ce soit un sujet très politique qui captive les foules, mais donc ça peut être symptomatique, ça peut quand même apporter, comment dirais-je, ça peut amener un débat. Qui intéresse un certain nombre de nos auditeurs. En tout cas, ça peut soulever un certain nombre de points polémiques. Qui veut lancer le sujet là-dessus? Donc c'est récent. Hein, Alain Soral, il revient de la Corée du Nord. Il a été en Corée du Nord il y a 15 jours, hein, maximum. Hein. Écoute, moi je peux démarrer parce que j'ai été franchement sidéré. Parce que je vais pas le cacher aux auditeurs. Moi, j'étais le seul ici dans l'émission qui pensait en fait que le voyage de Soral en Corée du Nord n'était qu'une plaisanterie, on va dire, pour mettre en voilà une espèce de performance pour montrer que la France était un pays où il n'y avait plus aucune liberté d'expression. Bref, il continuait un espèce de running gag qu'il avait démarré déjà il y a quelques années en disant qu'il allait s'expatrier en Corée du Nord si ça continuait comme ça en France. Et les gens ici m'avaient garanti que Soral était un communiste. Moi, je savais qu'il était un petit peu communiste. Alors là, à ce point, c'est-à-dire qu'il est revenu, je salue le travail de ceux qui ont débunké son voyage, dont d'ailleurs Daniel Conversano, qui a fait une bonne vidéo sur Soral, mais c'est absolument... C'est vraiment un sketch, quoi. Il présente ce pays comme un paradis sur Terre parce qu'il a eu une petite guide qui lui a fait voir les meilleurs endroits. Il nous présente tout. C'est un putain de sketch. Je recommande à tout le monde, tous ceux qui veulent passer un moment agréable avec un sourire scotché au bec, d'écouter cette émission qui est un gag d'une heure, quoi, où Soral nous décrit cette dictature communiste comme un petit paradis sur Terre, quoi. Je crois que Soral, là, il est un peu au bout de son système et qu'il finit par se parodier lui-même. Hein. Ouais, c'est Daniel Conversano qui a dit, mais Soral, je le considère plus de la mouvance, en fait, il est plus à droite, quoi. Effectivement, quand on en est rendu à faire l'apologie de la Corée du Nord, bon, là, on sombre dans le communisme le plus rouge et le plus débile qui soit. Donc, et puis même au-delà de ça, je veux dire, il est complètement cramé de la tête. Je veux dire, il est là en train de prétendre qu'il a été invité, que c'était les huiles nord-coréennes auraient reconnu sa valeur, donc il aurait eu le droit d'aller visiter les choses que personne ne voit, etc. Ce qui est évidemment complètement faux. Il est complètement en train de mitonner. C'est un mitomane. Et là, c'est vraiment tout le côté fou et débile de Soral ressort sur fond de communisme. Et c'est vraiment, c'est vraiment ça, Soral, quoi. J'espère que les gens vont le comprendre. Parce que là, si vous comprenez pas avec ça, putain, qu'est-ce qu'il vous faut, quoi? Alors, le truc, ouais, j'aime bien l'histoire de la visite, en fait, l'organisation de la visite. Effectivement, tu dis, oui, on m'a montré des choses que les gens ne voient pas, etc. Alors, faites-moi confiance que quand un régime communiste veut vous montrer quelque chose que le Kidam ne voit pas, ça a plutôt tendance à tourner autour des systèmes d'armement, des visites d'état-major, ce genre de choses. Vous voyez, des discussions avec des responsables de services de renseignement ou des responsables politiques importants, vous voyez, c'est pas de faire la visite de la campagne. Hein. On s'entend quand même. Je veux dire. Donc Soral n'a rien visité de ce que le pouvoir communiste en place là-bas voulait faire visiter à Alain Soral. Donc, ça m'a absolument stupéfié. Alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que Soral est un authentique puceau du marxisme-léninisme, au sens pratique, hein, pas au sens de la lecture, littéral du Capital de Marx et de ses interprétations ultérieures, notamment de Lénine, tu vois, mais de sa pratique concrète, c'est-à-dire de comment ça fonctionne un régime communiste, qu'il soit d'Europe de l'Est, d'Asie ou d'ailleurs. Et je me suis dit, visiblement, Soral est venu trop tard dans le communisme, parce qu'il prétend avoir été encarté au Parti communiste à la fin des années 90, mais tout va bien. À Paris, hein, dans la région parisienne, je crois. Je crois même dans le domaine de la publicité, enfin, une cellule, dans la pub, enfin, un truc invraisemblable. Bon, c'était quand même pas le front avancé du prolétariat révolutionnaire, on est bien d'accord. Et le type, en fait, n'a jamais expérimenté, apparemment, enfin, c'est ce que j'en retire, de relations directes avec des systèmes de cette nature. Parce qu'il est bien entendu que tous les régimes communistes, que ce soit d'Europe de l'Est par exemple, les démocraties populaires du bloc pro-soviétique jusqu'à la fin des années 80, donc entre 1945 et jusqu'à la fin des années 80, avaient des visiteurs occidentaux. C'était absolument commun, un truc comme ça. Mais on leur montrait toujours ce qu'on voulait bien leur montrer, c'est-à-dire toujours le meilleur aspect, l'aspect idyllique du régime et du système, toujours. Alors il y avait à la fois les idiots utiles, souvent des intellectuels ratés d'ailleurs. si ça vous dit quelque chose, je sais pas, mais enfin bon, souvent des intellectuels ratés, des faire-valoir qui coûtent pas cher, des trucs comme ça, ou alors des apparatchiks, des huiles, des partis communistes occidentaux, qu'on achetait littéralement, hein, en les foutant dans des villas sur la mer Noire, en Roumanie, en Bulgarie et ailleurs, où on ne leur montrait que des aspects positifs de la vie de ces systèmes socialistes-là. Donc les types se disaient, ils sortaient de là, parce que le but était politique. Donc quand vous étiez un cadre communiste du Parti communiste français, on va dire moyen ou inférieur, vous alliez faire un tour en Roumanie, sur la mer Noire l'été, où vos gamins allaient, parce que ça existait jusqu'aux années 80, les gens ne le savent pas aujourd'hui, mais les gamins de l'Île-de-France, les jeunesses communistes, allaient en colonie de vacances dans les pays de l'Est communistes. Alors, quand ils allaient là-bas, on leur montrait toujours ce qu'on voulait bien leur montrer, et ils en ressortaient de là encore plus déterminés, politiquement. On n'allait pas leur montrer le niveau de vie réel des populations, on n'allait pas leur montrer tout ce qui n'allait pas, on leur montrait la répression policière, etc., jamais. On leur disait, regardez, c'est extraordinaire, une famille typique soviétique, vous imaginez, quoi. Et les types ressortaient de là, ils étaient encore plus militants. Ils disaient, regarde, ces salauds, ils mentent sur la justesse du système socialiste, regardez toute la propagande qu'on avait, regardez, c'était encore, on y a été, etc., etc. Et Soral va là-bas, et le type y va visiblement totalement en dilettante. C'est-à-dire qu'il y va pas dans une optique totalement militante, visiblement. plutôt sympathisante, mais pas totalement militante. Il dit, voilà, j'y vais, il fait observer deux, trois trucs et tout. Mais le type nous vend le truc, genre, je suis arrivé là-bas, j'ai eu un guide, bon, quand même, oui, bon, j'ai quand même eu un guide. Et puis, bon, on m'a pas laissé aller partout où je voulais, mais quand même, on m'a montré des endroits, etc. Et alors, dans la rue, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et là, tu te dis vraiment... Soit le mec est de la dernière naïveté, ou alors c'est un menteur particulièrement vicieux, quoi. Bah, j'opterais plutôt pour la deuxième option, quand même. Moi, je pense, et c'est ce qui est d'autant plus décevant, c'est-à-dire que ce qui l'attirait, en fait, un petit peu dans l'extrême droite, c'était finalement uniquement le côté, on va dire, les privilèges que pouvait avoir l'élite machin des régimes nazis, en tout cas tel qu'il se l'imagine lui, parce que je pense qu'il a le logiciel français républicain qui fait un peu passer les nazis, les fascistes, tout ça pour des méchants, ce à quoi je crois absolument pas. Mais en réalité, on voit que il aime ça. C'est les conversano qui disaient ça, et c'est très juste, c'est-à-dire que normalement, nous, on apprécie le fascisme parce que c'est une élite qui essaye de tirer le peuple vers le haut malgré elle, malgré le peuple, quoi. Enfin, qui essaye de tirer le peuple vers le haut malgré lui, pardon. Tandis que le communisme, c'est des élites qui jouissent des privilèges que le bas peuple n'a pas. Et c'est juste du peuple qui a réussi à se mettre au-dessus du peuple et qui sait que le jour où tout ça sera découvert, bah, ils redescendront à leur statut. En fait, ce sont des dégénérés qui ont pris la place des élites. Et donc, ils savent qu'il faut tout verrouiller, tout clôturer, parce que ils n'ont aucune légitimité à être des élites. Donc, c'est comme Kim Jong-un qui fait croire qu'il est champion de golf et tout, alors que c'est un pauvre porcinet, juste bon à s'engouffrer du saké, à baiser des petites putes. On voit très bien que c'est un dégénéré total, quoi. Et ce genre de mec sait très bien que son statut ne tient qu'à une dictature où rien ne dépasse, parce que lui, il en faut très peu pour le faire sauter. Il vaut rien, quoi. Donc il verrouille absolument tout, et ça fait bander Soral. Je pense que Soral sait que lui n'aurait jamais la légitimité pour être un espèce de chef d'un peuple qui se veut vaillant et qui se veut tirer vers le haut par ses élites. Non, mais par contre, il sait qu'il peut être le chef d'un peuple dont il a auquel il a menti, auquel... et c'est ce qu'il fait d'ailleurs avec son association, il me semble, hein. Quand on entend les gens de R rapporter un peu son comportement, c'est ça qu'il fait en interne, c'est-à-dire il se comporte vraiment comme Kim Jong-un. Il ment, il fait comment dire, du culte de la personnalité, bref, toutes les combines des dictateurs détraqués, comme ça. Mais c'est vraiment, c'est ahurissant, quoi. Là, il s'est vraiment cramé complètement avec ce petit voyage en Corée qu'il pensait amusant. Il ne se rend pas du tout compte de ce que ça implique, quoi. Les gens ne sont pas devenus aussi cons que ça, quoi. On sait très bien ce que c'est, quoi. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on peut remarquer qui est vraiment notable avec ça, c'est l'ego du père Soral, l'ego démesuré du père Soral. Dans l'émission, il y a un moment où il dit... Bon ben voilà, ils m'ont montré un hôpital parce que je suis Alain Soral. Alors c'est... Mais vraiment, il le dit comme ça, il dit parce que je suis Alain Soral. Donc il pense vraiment que... Moi je pense qu'il le pense vraiment et qu'il est juste stupide en fait. Il pense que parce qu'il est Alain Soral, voilà, il a tout un tas de privilèges, Kim Jong-un le surveillait personnellement, etc. C'est génial, mais je pense que ça a un lien avec un aspect de sa personnalité qu'il aimerait bien cacher, lui, c'est l'homosexualité. L'homosexuel, hein, c'est... finalement, quand tu vas coucher avec un autre homme, c'est tu couches avec toi-même. Donc l'homosexualité, ça a énormément de rapport avec l'égocentrisme, etc. Je pense oui, que le... Une forme de narcissisme et oui, d'égotisme aussi, quoi. Ouais. Voilà, égotisme, narcissisme, c'est bien dit, ouais. Je pense que l'homosexuel Soral se retrouve bien dans ce genre de combine, quoi. Puis il y a ce côté aussi, ce discours pseudo-viril sur la force, etc. Il joue Il joue aussi du fait qu'il est boxeur, etc. Il n'est pas boxeur. Il est pas boxeur. Il a une licence pour apprendre la boxe à des enfants de moins de 8 ans. Ouais, bon, bah, il a encore menti, visiblement. Décidément, c'est une habitude. Mais chez moi, je sens chez lui quand même beaucoup de failles psychologiques. Hein. Je pense qu'il y a des blessures, des blessures à l'anus, hein, notamment. Je pense qu'il assume pas très bien. Il assume. Il a revendiqué. Justement. Il l'a revendiqué, donc non, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Hein. Non, je crois qu'il l'a revendiqué à une époque, parce que dans la situation de l'époque, ça lui donnait un genre un peu de... Il n'avait pas encore son public maghrébin. Voilà, c'était l'époque auteur, on est à la télévision, alors voilà, il parle de ses expériences homosexuelles de jeunesse, et puis... Il essaye de donner, je sais pas, une sorte de dimension, un peu « genre j'ai du vécu », etc., mon cul. Et aujourd'hui, moi, je le sens très mal à l'aise là-dessus. D'ailleurs, il n'en parle plus. Enfin, pour en revenir sur son voyage en Corée du Nord, il nous dit « voilà, j'ai trouvé enfin le modèle socialiste qui... » Alors, j'ai aimé des passages de son truc, en fait. Je dois le dire, en fait, j'ai écouté son rapport de voyage. Oui, on peut dire que c'est un rapport de voyage, hein, d'ailleurs, qui a dû d'ailleurs être analysé en détail par l'ambassade de Corée du Nord occulte en France. Mais j'ai aimé son rapport de voyage sur certains points, notamment sur la description de la mentalité asiatique. Parce qu'il en fait l'expérience. Je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a des trucs qui sont justes. L'attitude des Nord-Coréens qui ne me surprend pas vraiment, je veux dire, quand il dit que les gens sont très polis, etc. Et il dit c'est très surprenant, etc., quand on vient de France, de voir des gens qui sont très, très, très courtois, très polis, très, très discrets aussi, finalement assez taciturnes, ça me surprend pas. Donc ça donne un côté très véridique, très réel, quoi, je veux dire, de son voyage, ça m'a intéressé de ce côté-là. Moi, j'aime bien quand les gens me racontent leur voyage en général, peu importe le pays. J'aime bien poser des questions. Alors, t'as fait quoi? T'as été où? Les gens, ils sont comment? Qu'est-ce que t'as mangé? Ça m'intéresse beaucoup, ça. Et j'ai trouvé ça sonnait assez sincère, ce côté-là, quoi. Comment sont les gens, quoi? Bon, ça, on peut pas trop mentir. Les gens sont froids, les gens sont chaleureux, ils font de l'humour, ils en font pas, bon. Ouais, puis en même temps, il sort de l'enfer ethnique qu'est la région parisienne, donc tout est mieux à côté, c'est pas compliqué, quoi. Oui, voilà, même si Soral ne vit pas exactement hein, dans les pires coupes-gorges, je veux dire, de l'Île-de-France, bien sûr, on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui lui déplaisent. Puis surtout, il compare avec l'Algérie, alors ça m'a beaucoup séduit, c'est-à-dire qu'il compare le modèle nord-coréen qui est un modèle effectivement communiste, enfin socialiste, on va dire, ou national-socialiste. Il dit national-socialiste, ce qui est vrai, mais je veux dire, même le stalinisme était un national-socialisme, si on veut, mais le national-socialisme authentique allemand était très différent. C'est pas le communisme, quand même. Et on va dire que c'est national-communiste, pas national-socialiste. Et donc, les nationaux-communistes nord-coréens... ont beaucoup séduit Soral, et il dit, parce que, oh là là, comparé à l'Algérie, quand on l'écoute, il dit, oh, en gros, l'Algérie, quelle escroquerie, il y a une caserne partout, l'armée surveille le peuple, il n'y a rien, tout est sale, mais vraiment, Soral témoigne avec sincérité quoi, de son mépris profond pour l'Algérie, je trouve. Et je me suis dit, Il renoue avec l'humanité, quoi. Je veux dire, là, j'ai trouvé quelqu'un qui était sincère, tu vois. Parce qu'on peut pas mentir là-dessus, vous voyez. S'il avait dit, oh là là, quand même, l'Algérie, c'est vachement beau, machin. Oui, enfin, oui, si tu vas sur les côtes et qu'il n'y a pas un arabe à l'horizon, ça doit être assez joli, l'Algérie, vous voyez. Mais quand t'es à Alger ou quand t'es à Oran et que tu te tapes les métèques, tu te dis, non, c'est juste l'enfer ici, ça pue. Et ça aura l'honnêteté, quand même, intellectuelle de le dire. Il dit non, c'est vraiment l'Algérie, c'est un trou. Mais, et là, c'est là que ça devient foireux. Il dit, en gros, les révolutionnaires algériens du FLN devrait venir en Corée du Nord, comme s'il n'y avait jamais été, entre nous soit dit, quoi, s'inspirer de voir comment ça marche. Et en fait, le type parle du modèle politique comme si le problème était politique. Il fait une petite pique. Hein, il fait une petite pique. Il dit si Uriah Boutedjal est en Corée du Nord, ça lui permettrait de faire une petite cure d'humilité. Bon, ça me fait plaisir moi si, quand j'entends ça parce que il commence en fait à venir sur le seul terrain qui compte, c'est le terrain racial, en disant mais non, en fait les Maghrébins, je veux dire qu'ils soient fascistes, qu'ils soient communistes, qu'ils soient ce qu'on veut, démocrates. Le problème numéro un qu'ils auront toujours, c'est que ce sont d'abord et avant tout des Maghrébins. Et que c'est pas pour autant, tu vois, qu'ils vont commencer à se réconcilier avec l'hygiène ou ce genre de choses. Et paradoxalement, les Nord-Coréens, en fait, pourquoi ça marche? Pourquoi le système n'est pas aussi pourri qu'en Algérie? Bah, c'est simple, c'est qu'en fait, ce système ne marche pas, il marche en dépit de la race nord-coréenne, en fait. Ce sont les Nord-Coréens qui font que là-bas, il y a quand même 2-3 trucs qui tournent à peu près correctement, même si c'est de la bricole. Et j'ai aimé ça dans son récit, c'est qu'en fait, malgré lui, je sais pas si c'était volontaire, c'était au moins inconscient, voire suggéré, c'était quand même d'admettre que, bon... Il y avait quand même des distinctions raciales et que voilà, même dans le socialisme, visiblement, il y avait des failles, quoi. Bah, pas tant que ça, parce qu'il dit que si Uriah Boutedjah allait là-bas, elle apprendrait l'humilité. Donc en gros, elle dit que si les Bougnoul allaient en Corée du Nord, ils pourraient devenir des Coréens du Nord. J'ai des doutes quand même là-dessus. Non, je pense qu'au fond de lui, il sait très bien que... Non, mais bon, ça, au fond de lui, à part Holbalk, personne n'y a été. Alors, par contre, il n'y a quand même pas que ça. Il n'y a pas que les observations très justes, bon, sur les différences raciales entre les Algériens et les Nord-Coréens. Mais quand même, sur ce voyage, l'esprit de ce voyage, Astérix, toi, il y a quelque chose qui t'a choqué. Qu'est-ce qui te bloque sur ce voyage? Qu'est-ce qui t'amène à t'interroger? Moi, je l'ai dit déjà, j'ai été sidéré parce que tout simplement, j'étais d'une extrême naïveté concernant le Casseroll. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui tirait les communistes vers l'extrême droite. En réalité, je me suis rendu compte qu'il pouvait soutenir des régimes comme ça absolument infâmes. Parce que moi, c'est vraiment ce que j'aime chez les nazis, c'est quand je vois Hitler... caresser un chien, quand je vois, bah après il y a aussi l'ordre et tout ça, je dis pas, je veux dire, c'est pas seulement le côté écolo d'Hitler qui me plaît, mais c'est que tu sens la bienveillance, c'est-à-dire c'est la dureté au service du bien, c'est parce qu'il y a le mal qu'il faut être dur, tandis que là c'est le mal qui devient dur chez eux, quoi, c'est des dégénérés, des traqués qui imposent leur pouvoir. Alors évidemment, après, vu que le peuple est sain et que Soral vit dans un pays dégénéré surnommé la France, Soral a apprécié, parce que effectivement, le peuple reste le peuple. Donc même dans un régime de détraqués, des gens à peu près polis, à peu près, on va dire qu'ils ont la common decency viscéralement présente, quoi. C'est sûr que lui, ça lui fait une différence avec son public. De gauchistes égocentriques, de bougnoules prétentieux, enfin bref, c'est clair qu'il a pris, ça a été une cure de jouvence, quoi. Il est revenu pétillant, il nous parle de Kim Jong-un comme si c'était le Führer, quoi. À ce petit porcinet, ce petit mètre cube bourré de graisse de chien, là, c'est... Oui, d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant. Vous savez qu'en Corée du Nord, il y a une grande statue de Kim Il-sung, qui est, je crois, le fondateur de la dynastie. Et ouais. On voit à un moment, quand on cherche les vidéos de la guide qui montre cette statue à un visiteur, elle dit, voilà, donc la statue de Kim Il-sung, qui fait donc 60 mètres de haut et 52 mètres 50 de large. Donc, en mode boule de graisse, vraiment, quoi. Oui, et puis alors il y a un moment, Soral est très ému parce qu'il y a une question de. On lui montre la voiture blindée offerte à Kim Il-sung. par Staline. Alors évidemment, dès que ça parle de Staline, Soral, tu vois, son cœur de communiante commence à fondre. C'est ça qui est rigolo, quoi. Je veux dire, c'est que le type, enfin, reste profondément un putain de coco, quoi. C'est un coco de la pire espèce qui est absolument avalé jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière goutte, tous les présupposés de la mystification marxiste, mais qui, à l'usage, se rend compte en fait que même pour rentrer dans ce groupe-là, quoi, il y a quand même beaucoup de tocards qui passent par les épreuves les plus élémentaires. Mais il reste quand même fondamentalement fasciné par l'Union soviétique. Et alors, quand on lui montre la bagnole blindée, tu sais, ça fait à moitié gangster, tu sais. Le mec se dit, putain, ça a quand même de la gueule, tu vois. Ah la vache, putain, c'était vraiment la belle époque et tout, quand les mecs étaient à moitié des truands, à moitié des chefs de parti. J'aurais bien aimé quand même être dans un politburo à pouvoir faire flinguer des enculés, tu vois, surtout... Surtout les maris de salopes que j'ai baisés, tu vois. Je pense que ça lui aurait bien plu, ça. Oui, mais Soral a un côté un peu Beria, tu vois. Je veux dire, il est pas tellement Staline, en fait. Il est plus Beria, je pense. Baiser de jeunes filles vierges avant de les faire exécuter, tu vois, dans des fosses communes, tu vois. C'est... Bon, je pressens quand même. Ça lui parle. Ouais, je pense que ça lui parle pas mal. Et Fais attention, hein, s'il écoute l'émission, il va avoir une érection, là. Mais non, mais écoute, je veux dire, les mecs qui connaissent un peu la politique et puis qui connaissent surtout l'histoire, ils savent très bien à quoi s'en tenir. Je pense que Soral, il va pas... Mais je pense qu'il a été quand même très léger. Je pense qu'il sait à quoi s'en tenir, c'est vrai. Oui, oui, oui. Il sait quand même quel régime c'est, mais je crois pas qu'il sache tout, parce que une fois de plus, je le cite beaucoup parce que sa vidéo est pas mal, mais Conversano met en lumière quelque chose que j'ignorais, mais que Soral devrait savoir puisqu'il a été dans le pays, il aurait dû quand même enquêter un minimum, c'est que les chrétiens sont persécutés en Corée du Nord comme dans aucun autre pays. Alors, on peut parler des talibans, tout ça, les Daesh, machin, mais la Corée du Nord bat le record d'exécution de chrétiens et tout ça. Alors quand tu te dis... machin, chrétien sans reproche et tout, et que tu vas là-bas, c'est hallucinant. Non, il a vraiment été très très léger, quoi. Enfin, il a été plus que léger. Il a pas fait le boulot, c'est-à-dire qu'il a fait c'est ce que je disais au début, c'est ce qu'on faisait, c'est ce que faisaient tous les régimes communistes avec les visiteurs étrangers, que ce soit des intellectuels, des écrivains, des sportifs, des cadres de partis frères ou de partis proches, parce qu'il pouvait aussi y avoir des socialistes qui visitaient les régimes communistes, hein, je veux dire, faut bien comprendre comment ça fonctionnait. Pendant très longtemps, le système soviétique ou pro-soviétique qui a régné sur quantité de pays était une entité qui était établie au plan international. Vous aviez des chefs socialistes, pas communistes, socialistes qui visitaient ces pays. Des dirigeants socialistes visitaient la Corée du Nord. Mitterrand a visité la Corée du Nord, par exemple. C'était quelque chose qui était admis. Non pas qu'ils partageaient les idées des communistes, mais il y avait une proximité, une filiation première qui faisait que il y avait une certaine sympathie ou une certaine volonté de coexistence pacifique entre des gens qui par ailleurs effectivement ne s'aimaient pas du tout, quoi. Mais c'est très étonnant de la part de Soral de nous faire son rapport de voyage en disant « Oui, j'ai été ici. » Non, Soral a été dans un voyage politique organisé totalement par le gouvernement nord-coréen. On a montré exactement ce que la propagande nord-coréenne veut montrer à un visiteur étranger. Donc, rien n'est fortuit. Et Soral n'est pas franchement dupe. Et il sait très bien que quand il rentre chez lui... il doit remplir sa part du contrat, c'est-à-dire qu'il doit dire du bien de ce qu'il a vu, il doit dire « oui, la Corée du Nord, c'est génial ». Il peut d'ailleurs parfaitement avoir aimé le voyage, hein, ça n'empêche pas. Hein. Tu peux être un visiteur étranger dans un système communiste, être traité aux petits oignons, et par ailleurs complètement aimer le voyage, hein. C'est pas du tout interdit. Et la Corée du Nord peut par ailleurs être un très beau pays, c'est pas interdit non plus. Les gens peuvent être gentils, les paysages peuvent être très beaux, l'air qu'on y respire peut être ils ont pas très, de sens. Très bénéfique. C'est pas le problème, tu vois, si tu veux. Mais le boulot doit être fait. Et quand Soral rentre à Paris, bon, il ment pas toujours, je veux dire. Quand il dit les gens sont courtois, etc. Bah oui, quand tu viens de Paris, tu dis ouais, les gens sont courtois à Pyongyang, c'est évident, tu vois. Donc, il ment pas systématiquement. Et son expérience n'a pas été nécessairement mauvaise du tout. Mais il sait très bien qu'on lui a pas montré tout ce qu'il fallait montrer. N'est-ce pas? Et là, il ment. Et là, il essaye de nous dire, bah voyez, il y a quand même un système socialiste qui marche, etc. Bon, bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est quand même assez rigolo de voir Soral nous la jouer, comment dirais-je, voyage des jeunesses communistes à Pyongyang, quoi, façon 1990, quoi. Tu vois, c'est assez rigolo, quoi. Ouais, moi je dirais, voilà, Soral avec la galaxie de caca qui tourne autour de son anus, faites attention parce qu'on va peut-être bientôt tirer la chasse, quoi. Bah, en fait, moi j'attends un petit peu le voyage à Cuba, alors je pense qu'il a déjà dû faire Cuba, je pense. Je présume, en tout cas, les zones avec les palmiers, le sable chaud, quoi. Mais avec les cubaines, surtout, ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas fait. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Mais oui, parce que donc il se dit, ah, j'ai enfin trouvé un système socialiste qui marche. Non, ça marche pas. Alors il dit le pays est sous j'ai bien aimé ça aussi. Le pays est sous embargo, ça fonctionne pas, etc. Il est sous embargo. On sait pas ce qui se passe. C'est pas qu'il est sous embargo, c'est qu'il a un système économique qui fonctionne juste pas. Que son embargo il est dérisoire. Avec la Chine, il a eu beaucoup de commerce toutes ces années écoulées, avec la Russie aussi. Bon, et puis rien interdit, je veux dire, par ailleurs, de développer l'économie privée. Hein. C'est pas interdit, on peut très bien. Voilà. Mais non, en fait, c'est le régime l'interdit. Et donc. C'est l'argument qui sort toujours pour le Venezuela, ça. Oui, bah, il y a l'embargo des États-Unis. Ouais, attendez, le Venezuela, il commerce avec tous les pays d'Amérique du Sud. Attends, c'est juste un régime de merde et ils sont en pénurie de PQ, quoi, c'est tout. Voilà, exactement. Bah, d'ailleurs, en fait, on sent que Soral aussi cherche toujours un modèle, tu vois. Donc, au départ, il était quand même plutôt Chavez, plutôt Venezuela. Bon, maintenant, comme tu l'as dit, finalement, le gasoil coûte moins cher que la flotte et le PQ. Donc, on a un petit peu oublié quand même entre-temps, quoi. Et puis Maduro est quand même un marane, hein. Je veux dire, c'est un juif, hein, Maduro. Je sais pas si les gens sont au courant, mais c'est un juif. Je suis pas sûr que Soral se ressent tellement de faire la propagande pour ce régime. Et il se dit, bon, allez, en quête d'un autre paradis, bah là, c'est la Corée du Nord. Et bon, on peut dire une chose, hein, c'est qu'on écoutait une heure de Soral sur la Corée du Nord, on a l'impression que c'est les Bahamas, quelque part au nord de l'Asie, quoi. C'est ça. C'est chaud, les gens sont gentils. Bon, il faut prendre un petit peu ses précautions, c'est-à-dire que... La Suisse d'Asie. Comparaison avec la Suisse. La Suisse d'Asie, mais sans tous les problèmes du monde contemporain, machin et tout. Il faut quand même leur écouter le truc. Hein. Je dis, faut quand même. Bon. C'est original. Hein. Et par contre, il n'y a pas eu un mot sur le programme nucléaire nord-coréen qui peut, par exemple, justifier l'embargo. Je veux dire, tu vois, l'embargo, on n'a pas mis l'embargo sur ces gens-là comme ça, je veux dire. Je veux dire, la Chine est un pays officiellement communiste, hein, je précise. C'est un pays unique, il n'y a pas d'embargo sur la Chine. Hein. Ah mais si, on a mis l'embargo sur eux parce que Silly Sioniste. Alors, il n'a pas parlé de ça, mais il dit c'est un pays... Ah oui, à un moment il dit oui, c'est quand même un pays qui a une ambassade de Palestine, ça fait honneur à ce peuple, etc. Bon voilà, ouais. Le bougnoul comme argument de validité politique, je trouve que c'est beau. C'est beau, ma petite larme est en train de couler. Bah, c'était d'autant plus drôle qu'en fait, il venait dégueuler sur l'Algérie en disant ah, quel pays de merde, ils sont incapables de réussir quoi que ce soit, etc. Vraiment, ils doivent fermer leur gueule, Ouria Boudéja en tête, tu vois. Et puis ensuite, il loue les mérites de la Corée du Nord, il dit et puis c'est quand même le pays qui a une ambassade, qui a reconnu la Palestine comme État et qui a une ambassade de Palestine. Là, tu dis attends, cher, il faut. Enfin, bref, quoi, c'est tout et son contraire, c'est bon. Surtout son contraire, quand même. Hein. Surtout son contraire. Bon, qui veut rajouter quelque chose sur ce sur ce. Bon, finalement, le nouvel horizon hein, de l'extrême droite française, hein, c'est la Corée du Nord. Bon. Qui veut rajouter quelque chose ? Ou pas ? Ouais, non, c'est ça, c'est le mot de la fin. La Corée du Nord, tous vers la Corée du Nord pour nous sauver. Alors, de la, moi, ce de qui la me démocratie plaît, française. Ce que je rejetterais pas dans la Corée du Nord, c'est le côté un petit peu militarisation de la société, qui fait franchement défaut aujourd'hui en Europe. On s'entend. Hein. En fait, qu'à y être, je préférerais avoir à bouffer avec, quoi, si c'est possible. Bah, c'est ce qu'on appelle le national-socialisme, en fait. C'est-à-dire que quand t'as l'ordre et la bouffe, c'est le national-socialisme avec Adolf Hitler, et quand t'as juste la trique et que t'as rien à bouffer, ça s'appelle le communisme et c'est Kim Jong-un. Bon. Voilà. Et alors quand t'as juste la bouffe et pas la trique, comment ça s'appelle ? Une démocratie juive. Une démocratie juive, très bien. J'ai bon ? Merci grand maître de m'éclairer, guide-nous vers la lumière. Sur voilà. Ces pensées synthétiques... Bon, on se dit à la semaine prochaine, chers amis. C'est ça. À la semaine prochaine, les amis. Et à la semaine prochaine. Debout, les damnés de la terre, debout, les forçats de la fin, la raison de l'ensocratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale. Ce soir, 20h30 dans Reporter. Le témoignage exclusif d'hommes frappés par le mal le plus significatif de cette fin de siècle. Disons que... On se sent plus comme les autres, quoi. C'est plus pareil, quoi. On est plus pareil, plus comme avant, quoi. Et les autres, quand ils l'ont su Disons que dès que les autres ils l'ont su, forcément ils m'ont rejeté tout de suite, quoi. J'étais tout de suite rejeté, quoi. C'est dur d'être montré comme ça du doigt. Disons que ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et votre femme, quand elle l'a su, comment l'a-t-elle pris ? Elle vous a aidé ? Disons que ma femme, au début, elle a quand même... elle était pas au courant, quoi. Je disais pas, j'ai caché. Mais quand elle l'a su, quoi, au départ, elle a essayé de faire quelque chose, quoi. Elle a essayé de m'aider. Hein. Et elle aussi, elle a été... Non, heureusement, non. Non, mais c'est quand même elle qui a tout découvert, le pot des roses et tout, parce qu'un jour, elle ne le savait pas et tout, mais bon, elle a fouillé dans mes affaires et là, il y avait ma carte, quoi. Alors forcément, bon, elle a regardé la carte et elle a tout compris, quoi. Et là, maintenant, vous n'êtes plus. Ah non, là, c'est fini. Là. C'est fini. Là. Tous les autres n'ont peut-être pas autant de volonté que vous. C'est pour ça qu'on a fondé une association d'aide aux anciens communistes. Et à ce niveau, il faut dire qu'on a bien été aidé par le Front National, que je remercie au passage. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Alors vous qui êtes devant moi, le premier, vous êtes de quel pays vous ? Moi je suis de Bordeaux. Ah, et vous êtes rentré dans la Waffen comment ? Mais j'étais parti d'Allemagne en permission, et alors quand j'ai vu en France ce qui se passait, les terroristes, enfin, etc., je me suis engagé. Et vous ? Ouais, je m'appelle Marc Brouillant. Je suis étudiant en droit à Paris, à l'université. Moi je suis rentré à Waffen SS parce qu'en France, il n'y a rien à faire. En France, un gouvernement en France qui fait rien du tout. Alors j'ai décidé que si je veux faire quelque chose, si je meurs ici en faisant une belle au coin d'une rue, ça ne servira à rien du tout. Tandis qu'en mourant sur le front de l'Est, je sais que je meurs pour une bonne cause. Ah, et toi, là? J'étais étudiant à Lyon, je faisais partie des jeunes de l'Europe Nouvelle à Lyon, et lorsque j'ai vu partir mes aînés, je me suis décidé à partir, non sans difficulté, vu mon jeune âge. Quel âge tu as, toi? J'ai 15 ans et demi. Ah, bon, en effet, t'es un jeune, mais enfin, tu ne parais pas 15 ans et demi, t'es grand, t'es fort, t'es costaud. Mmh. Hein? Mais oui, mais oui. Ah, oh, mais il a un accent là qui me rappelle un coin de terroir. Moi, j'ai l'accent du Midi, je ne suis pas du Nord. Hein. Mais vous êtes permissionnaire, vous? Moi, je suis permissionnaire, oui. Je suis l'ancien. Et de quelle région? Bordeaux. Bordeaux. 15 km de Bordeaux. 15 km, c'est un beau pays là-bas. C'est mes derniers rangs. Et vous? Je suis très très content d'avoir venu participer au combat européen. Avant ceci, j'ai participé en travaillant, mais j'ai vu que je pouvais mieux faire en combattant avec les armes. Et vous, là, qui vous paraissez très jeune, vous dites dans quel âge vous avez? Moi, 18 ans. Ah, et où étiez-vous, vous, avant d'entendre? Moi, en Allemagne. J'étais à 16 ans et demi. Moi, du pays. Voilà, c'est ça. Eh bien, vous? Ça fait 4 mois que je suis à la SS maintenant. Voilà. Et vous avez donc fait vos classes? Vous êtes parti il y a 4 mois? 4 mois, oui. Je suis parti le 1er octobre. Et nous n'avons pas le tiers-part, vous savez, c'est... Ah, ben déjà, j'en ai l'impression, parce que quand je suis arrivé tout à l'heure, il y en a un qui joue du piano, là-bas dans le fond, il est encore au piano, d'ailleurs. Ah oui, oui. Et le Parisien, où il est, le Parisien, là? Quel quartier vous êtes? 10e. Ah, 10e. Et vous étiez en Allemagne aussi, ou vous êtes... Oui, oui, j'ai été travailler à Berlin. Et j'ai compris la vie, quoi, le national-socialiste, comment qui était conçu en Allemagne et tout, que j'ai vu, et que il faudrait que ça soit comme ça en France, quoi. C'est pourquoi que je me suis engagé à la Waffen-SS. Pour aider les camarades, pour ramener cet ordre nouveau en France.